Vous écoutez Eau de Radio. Vous écoutez Eau de Radio. Vous écoutez sur 91.3. 91.3. Avec Cultura, retrouvez la voix du geek. Cultura, l'esprit gamer. Il est 19h. Retrouvez l'Infernal et son équipe dans La Voix du Geek, l'émission 100% jeux vidéo sur O2 Radio. Non, c'est pas vrai. Alors tu montes le son et tu fermes ta gueule. Allez, salut à tous, nous sommes en direct, j'espère que vous allez bien. Bienvenue mesdames, messieurs, dans La Voix du Geek, saison 4. On va laisser la bande-son derrière. Et elle n'est pas là pour rien, mesdames, messieurs. Ce soir, émission spéciale, voyage dans le temps. J'ai déjà envie de me marrer comme un con. J'espère que vous allez bien. Tiens, si j'ouvre le micro de mes petits camarades, c'est quand même plus sympa. J'espère que ça ira, que le PEX va pas trop faire de la merde. On entend un petit bruit derrière, mais en fait c'est une surprise que j'ai à côté de moi, qui est un petit peu capricieuse. Donc voilà, bref, émission spéciale Retour vers le futur, car oui mesdames, messieurs, demain c'est la date fatidique. Demain, Marty McFly et le Doc arrivent à notre époque. Bon, le futur a pas trop rapport avec le film hein, quand même. Ouais, j'avoue, mais ils ont un peu fantasmé quand même. C'est ça, mais c'est ça qui est bon et c'est ça qu'on aime. Donc on va en parler. Évidemment non, je ne suis pas seul comme chaque semaine. Tiens, on va commencer par là. Comment ça va mon Kogu? Question suivante. Alors, et ce qu'il faut savoir, c'est que Kogu nous a emmené en bagnole et je sais pas ce qu'il a aujourd'hui. Attention, mesdames, ouais, messieurs, il a un peu remonté. On était en bagnole, il a baissé sa vitre et genre, il a. Mais tu vas pas bouger ta caisse, connard! On a. Ok, il y avait, ça a mis un froid dans la bagnole. Tu veux ventiler? Oh la vache! Va, m'avait bien détendu. Ah, cool. Eh oui, oh, ça, c'est, les, c'est notre petite cuisine d'or antenne. Bon, t'as joué à quoi cette semaine? J'ai joué à Transformers Devastation. Oui. Et toujours sur Nathan Drake Collection. Je allez, suis allez. Sur le troisième volet au chapitre 10 en mode extrême. Yeah. Ça c'est cool. Et puis tiens, il est là aussi, il est beau, il est beau. Il a ses cheveux bleus comme d'habitude. Oui, toujours. Comment ça va Iki? Mais écoute, ça va. Et je me disais, ça se trouve demain on va se réveiller et ce sera vraiment comme dans Retour vers le futur. On sait pas, peut-être qu'il prépare ça depuis des années. Ce serait tellement bon. Ouais. Le niveau style le look et tout bof quand même, mais je me vois mal avec un casque en aluminium quoi. T'as déjà les cheveux de la couleur de la casquette à Marty quand c'est même. C'est vrai, ouais. Mais sinon écoute, ça va, j'ai une grande annonce à vous faire, j'ai une grande annonce à faire à La Voix du Geek. Vas-y. Mesdames et messieurs, oui, grâce à ma chérie que j'aime, j'ai une PS4. Voilà. Bravo. Oui, voilà, on peut voilà. l'applaudir. Alors garde ta PS4, chérie ta PS4, ainsi que ta femme. C'est ça. Et du coup, bah voilà, je suis assez content. J'ai pas encore eu le temps de l'ouvrir parce que j'ai des études très chargées. Mais là, dès ce soir, je vais m'y mettre et je sens que je vais vous la mettre. Voilà. Yes, tiens, je fais une parenthèse. Il y a Dandy qui peut pas être là ce soir, qui doit nous écouter dans la voiture, qui fait désolé La Voix du Geek, je suis encore dans les bouchons, mais je vous écoute, promis. Bisous à toi, avec une photo de bouchon. Et puis il y a Moumout qui est là, qui fait yes, ça y est, ça commence. Salut, bisous Moumout. Donc en fait comme eux, n'hésitez pas à tweeter, on ira tout en direct pour cette émission spéciale. Alors par contre mon téléphone fait exploser le PEX. Alors attendez, ce qu'on va faire, hop, voilà. Suspense. On est en direct hein. Et oui non mais carrément, on va se remettre la bande son vite fait, le temps de finir les présentations. Et puis mon Goustique est là, comment ça va mon poulet? Ben bonsoir tout le monde. Oh y a. Bonsoir, bonsoir tout seul. Bonsoir. Ouais. Allez, va au coiffeur. Alors, on dit va chez le coiffeur. Oui, oui, on dit pas. Ah oui, ouais, mais lui, il a pas assez de cheveux pour savoir. Et tu sais qu'il y a un bon moyen. Il y a, Lopez, y a un bon moyen pour s'en rappeler de ça. Vas-y. On dit pas fils à pute. On dit fils de pute. Voilà. Ah ouais, donc tu vas chez le coiffeur et pas au coiffeur. Non, mais au final, ça n'a rien à voir. C'était juste pour le placer. Eh ben écoute, ça va très très bien. J'ai joué à Uncharted Nathan Drake Collection, j'en suis au troisième. Je crois que la moitié de la planète vidéoludique a joué à ça. Ouais, ou ils ont regardé le trailer de Star Wars 7 ce matin. Oh oui. Ou cette nuit. Cette nuit. Et du coup après, j'ai joué à Transformers Devastation. On vous le teste la semaine prochaine. Ouais, j'ai lu des comics aussi, et puis... Et voilà, je travaille pas moi. voilà, et je t'emmerde aussi. J'ai dormi aussi. Voilà, j'ai pris mon thé aussi avant de m'endormir, mais ça tout le monde s'en fout. Mais sinon j'ai vu un bon film, ce week-end. Ah, Kirikou. Non, du tout, mais pas loin. C'est de Wes Anderson et c'est le Grand Budapest Hotel. Ouais, et, ah oui. Franchement, il est juste. C'est une leçon de cinéma, quoi, ce film. C'est comme Birdman, c'est comme Fight Club, c'est des indispensables. C'est assez spécial. Ouais, mais je pense que tu vas aimer niveau technique, enfin au niveau des plans et tout. C'est très recherché en soi. D'ailleurs, si jamais vous êtes des férus de films un peu spéciaux, je vous conseille absolument Hunter the Void. Ah oui, oui. Ah bah oui, de Gaspar Noé, ouais, c'est un classique aussi. Ouais, il est vraiment très chelou, mais il est impeccable niveau réalisation, quoi. Alors, ce qu'il faut savoir, voilà, c'est que c'est un film en POV, comme on... ah ouais. Comme on dirait, pour les plus initiés. Amateurs de porn. Voilà, non, mais c'est un film qui est tourné en vue subjective. Donc ouais. Au final, on voit jamais le personnage et c'est dans Tokyo. Ouais. Et c'est voilà, c'est un truc de ouf. C'est spécial vraiment, quoi. Aficionados de Marc Dorcel, ouais. Si vous nous écoutez. Ah, mais en soi, ouais, un peu. Ouais. Mais ça te permet de t'immerger dans le film, en fait. Hein. Oui, c'est une vraie technique, oui. Hein. Ouais. Mmh. Ouais, ouais, carrément. Voilà. Yes. Et puis vu que vous êtes vachement poli et que vous me demandez. Comment ça va, toi, l'Infernal? Qu'est-ce que t'as fait cette semaine? T'as joué à quoi, l'Infernal? Eh ben, écoute, très bonne semaine parce que voilà. Bon, j'ai eu une bonne nouvelle, hein. Voilà. Je vais être papa, mesdames, messieurs. Wouhou! Je m'applaudis tout seul. Donc tu vois, j'ai bien fait d'arrêter de tout mettre dans les cheveux. Bon, bref. Cette fois, c'est sûr, c'est validé. C'est validé depuis ce matin. La classe. Donc en plus, ce sera un Gémeaux comme moi. Wouhou! Carrément, t'as déjà toutes les dates et tout. Ah bah, ça se calcule, hein. C'est quand la sortie? Mais écoute, on voit déjà la barbe sortir entre les jambes de Mélanie. Ouais. C'est ça. Bon, bref, voilà, c'est la petite nouvelle qui fait plaisir. Et puis moi aussi, j'ai joué exclusivement à Uncharted. Collection sur PlayStation 4 qu'on a streamé comme des cochons et tout. J'ai platiné le 1 et le 3, mesdames, messieurs, et il me manque que 3 trésors, je crois, pour platiner le 2. Et c'est très long et ça y est, j'en ai marre. Il me tarde vraiment que qu'Assassin's Creed sorte. Mais c'est marrant parce que justement, vu que maintenant je suis un fier possesseur d'une PlayStation 4, j'ai regardé un peu les exclus et pour l'instant, à part des remakes HD, y a pas grand chose à se foutre sous la dent quand même. Bon, t'as Bloodborne. Ouais, Bloodborne. The Order, ouais, il y a aussi Infamous, et ouais. Puis, mais après, tout ce qui est jeux de qualité, genre Uncharted, The Last of Us et tout, il n'y a pas énormément de jeux dans le même style qui attends 2016, sont de si bonne qualité. Après, ouais, j'imagine. Hein, mais, peut-être que d'ici là, il aura ouvert la boîte de la Play. Oui. Ouais, j'espère. Ouais, carrément. Si j'ai le temps, quoi. Et dans 3 mois, t'auras trouvé ton pseudo. Ouais. Ouais. Tiens, puis j'en profite. Tiens, sur Twitter, il y a Alex Nay Roland sur les streams qui nous suit. On l'embrasse. Qui fait la voix du geek. Je vous écoute depuis ma campagne où il fait froid. Et puis on a Moumout qui fait oh mon Dieu, l'Infernal, il s'est reproduit. Il pourra enfin dire je suis ton père. Et c'est ça, je pense que tous les geeks sont impatients de vivre ça. Ouais, bref, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitter aussi, la voix du geek, la voix avec un E, et sur Facebook, on est de plus en plus nombreux, et ça fait plaisir. En fait, c'est mon téléphone qui fait bugger le truc, faut que je le mette là. Voilà, et puis comme je le disais tout à l'heure, émission spéciale voyage dans le temps, et pour ça, nous aurons un invité après 20h, même une invitée. Une invitée, oui. Est-ce que tu veux nous la présenter rapidement, Agustik? Eh bien oui, nous c'est ma main droite. C'est... c'est sympa pour elle. Nous aurons Elsa Chartier, une illustratrice française qui va nous présenter eh bien The Infinite Loop, l'un des gros cartons de chez Glénat Comics, et qui à la base est un projet Ulule, mais on en reparlera plus longuement vers les 20h, puisqu'on la recevra vers 20h. Carrément, donc elle sera via Skype, hein, donc oui. J'espère que tout va bien marcher, Navette. J'espère aussi. Mais il n'y a pas de raison, on l'a déjà fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Dans cette émission, qu'est-ce qu'on va y faire? On va se faire toutes les news jeux vidéo, on va tester des jeux, on va parler de Retour vers le futur, ouais. On va parler de voyage dans le temps, on va s'écouter du son. Je l'avais posté sur la page Facebook et puis vous avez été assez enthousiaste à l'idée de d'écouter le morceau ce soir. Donc on va s'écouter The Tricas avec Pushing More Button. Button. And yes it is. Bref, on va s'écouter ça, ça envoie le pâté. C'est un gros mashup de plein de samples des années 80, donc ça tombe bien. Et puis vers 20h, on va s'écouter Mark Morrison avec Return of the Mac. T'as vu ça? La classe. Ça va le faire. Mais juste avant de faire tout ça, eh bien ouais. Moi en fait j'ai fait une brocante dimanche. Attention mesdames messieurs. Sérieux? Ouais j'ai fait une brocante. Qu'est-ce que t'as ramené? T'as trouvé quoi? Et j'ai trouvé une machine temporelle. Quelle est donc ça? Elle est belle. Ouais, elle est bon, elle est hyper grosse. Après par contre je sais pas trop m'en servir. Elle a l'air un peu vintage quand même, fais gaffe. On dirait la première Xbox. Elle fait à peu près la taille. Je sais pas. Est-ce que vous voulez qu'on... Est-ce que vous voulez qu'on l'essaye? Alors je vais appuyer sur tous les boutons. On verra bien. C'est pas grave. Pour l'instant. Bah, je sais pas, ça marche pas. Ouais, j'ai pas l'impression ouais. que. Attends, si. Bah, je sais pas. Attends, ouais. peut-être que si je tape dessus. Wow. Voilà. Oh, ah, c'est vrai. Oh, ah, putain. On est mortel. Oh la vache. Sa mère. Eh, ça va les gars? Bah écoute, j'ai l'impression d'avoir une grosse migraine comme après une plus grosse gueule de bois quoi. Mais qu'est-ce que c'est que cette tapisserie? On est où là? Oh, tes cheveux goustiques. Oh, mais mon corps il a changé. Mais mon dieu, ah, mais tu as des poils. Des cheveux longs. Mais putain, mais mes vêtements sont trop grands, qu'est-ce qui se passe? Eh hey, mais attends, hey, matez la pendule. Eh hey, putain, c'est... mais attends, eh hey, mais on est en 97 les gars. What? En 97. Pokémon vient de sortir. Yes. Oh la classe. Oh. Et puis, mais attendez, on est le combien? Eh, mais attends, le 1er mars, mesdames, messieurs, la Nintendo 64 arrive dans nos étals. Oh putain. Oh, j'y vais. Je l'achète. Est-ce que vous voulez qu'on en parle un peu? Attends, parce qu'il y a pas mal de jeux qui ont été annoncés. Bah ouais. Bon alors déjà, on sait qu'elle coûtera 1000 balles, 1000 francs. Ça, 1000 c'est francs. Cool. La classe. Oh là là, 1000 francs. On a appris ça dans un petit événement, c'est pas encore très connu, ça s'appelle l'E3. Ouais, ça se passe aux États-Unis. Mais ouais. C'est juste reconnu par le milieu professionnel du jeu vidéo. Et... Ouais, pour l'instant, il n'y avait pas beaucoup de monde. Je sais pas, peut-être que ça prendra de l'ampleur plus tard, on sait pas. On sait jamais, hein, franchement. Mm-hmm. Alors, et la Nintendo 64, la dernière console de Nintendo, parce qu'en fait, la PlayStation, bon, ça fait 2 ans qu'elle est sortie, qu'on joue avec. Mais là, la 64, moi, me parle bien. Vous avez vu le dernier trailer de Mario 64? Mais un truc de fou. Ah ouais. Ouais, arrive à voir à 360 degrés autour du personnage, quoi. C'est clair. Moi, franchement, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, ça y est, quand on en vient, c'est le réel dans le jeu vidéo, un peu, tu vois. C'est le nombre de polygones et tout, c'est dingue, quoi. Ça se voit que cette console, elle a de la puissance. Ouais. Ah ouais, mais même graphiquement, c'est juste vraiment. Ah, ouf, c'est quoi. La claque, hein. C'est vraiment la claque. Je suis allé chez mon pote, là, Yvan, hier soir. Avant d'aller dormir, franchement, on a juste halluciné et on s'est dit, bah pour Noël, à notre anniversaire, on va s'acheter la ouais, N64. Ce serait cool. Bon, elle est un peu chère encore. 1000 francs. Mais ça me saoule parce que j'ai pas la PlayStation. Moi, j'ai encore la NES, quoi. Et ça me saoule de jouer à Tic et Tac qui est autant que Ninja, quoi. Moi, perso, j'ai un peu peur. Je sais pas si t'as vu le pad. Ouais. Je sais pas. Écoute, pour l'avoir essayé à l'E3, franchement, je pense qu'on fera pas mieux que cette manette, hein, vraiment. C'est niveau immersion, niveau maniabilité, tout ça, c'est vraiment nouveau. Mais une fois que tu l'as pris en main, franchement, je pense ça a l'air que vraiment agréable, enfin, mieux, assez accessible. Bah, écoute, je sais pas, mais en même temps, enfin, je veux dire, on a que deux mains, il y a énormément de touches dessus quand même. Ouais. C'est vrai, mais après il y a ce joystick là qui c'est un peu nouveau. On avait vu des prototypes qui ressemblaient un peu à ça, mais là pour le coup, vraiment, même au niveau des doigts et tout, t'as pas trop mal à force d'y jouer, tout ça. Non, j'ai peur que ça lasse les gens. Bah ouais. En plus, vous avez vu, ils ont prévu 4 couleurs au lancement: rouge, bleu, vert et jaune. C'est un truc de ouf. Ouais, c'est clair. Oh là là. Mais après, c'est génial, quoi. Après, moi, ce qui me fait un peu peur, j'espère que avec des jeux aussi réalistes. Ça donnera pas des idées aux gens et que ça les rendra pas violents, parce que c'est un peu le problème en ce moment, tu vois. Ouais, mais je sais pas. Je pense qu'il y a pas de jeu de guerre annoncé sur la N64. Ils sortent quand même avec le bundle là, pour tes 1000 francs, tu vas pouvoir jouer à Turok et chasser des dinosaures. Hein. Il se rattrape sur le tout public et Nintendo. Ouais, mais Mario, tu vois, le fait que les graphismes soient aussi proches du réel, j'ai peur que les gens fassent plus trop la distinction et que d'ici quelques années, ça aille tellement loin qu'on se retrouve avec des gens qui tirent sur d'autres gens et tout. Mario 64 a l'air juste énorme. Vous avez vu, en plus on peut se promener où on veut, parce que sur France 3 ils ont passé dans une émission sur les jeux vidéo, ils ont passé une vidéo où on voit, tu peux marcher vers le château de la princesse, et genre marcher tout autour et tout, et à un moment il grimpe dans l'arbre. Ouais, c'est comme une espèce de, je sais pas comment on appelle ça, un monde ouvert un peu, tu vois. Ouais, virtuel, tu vois, c'est. Enfin, t'es en train de dire que tu peux absolument te trimballer partout dans le jeu. Ouais. T'es pas cloisonné, tu peux aller absolument où tu veux. Ouais. Il y a tout un tas de niveaux et tout. Ah, c'est possible. Et je sais pas si le monde ouvert un jour, tu vois, ça, peut-être que tous les jeux seront en monde ouvert plus tard, tu vois, en 2000, enfin c'est loin, tu vois, mais en 2015, en 2000. Tu veux dire que des gens pourraient se perdre dans des maps? Peut-être que ça saoulera les gens même. Non, mais je pense pas. Je pense. C'est comme un effet de mode, c'est comme les westerns, tu vois, ça fait son temps, tu vois. Donc, non, c'est pour ça que je suis pas sûr. Moi, je pense qu'en 2015, on aura peut-être plutôt on bougera devant la télé, ce genre de trucs. Écoute, tu sais quoi, s'il y a encore des mondes ouverts plus tard, tu vois, genre 2015, on sera vieux. Tu manges ton Walkman. Eh ben, je me rase la tête, tu vois. Ah ouais? Ouais, mais... Pour de vrai? Mais je sais pas. peut-être qu'on sera plus amis en 2015. Ouais, tu si, vois, on sera toujours potes, t'inquiète pas. Ah ouais, du coup, ouais. Tu le fais ou pas? Du coup, non, je le fais pas. Ah ouais, mais parce que je suis pas encore en 2015. C'est pour ça. Tu as la gueule. En parlant de... Franchement, je devais me retrouver si jeune sans cheveux, je le vivrais mal. Oh ouais, tu m'étonnes. En parlant de cheveux, il y a Moumout qui tweet 97, oh my god, mes cheveux ont repoussé. Ah bah pareil, Coco. C'est la magie du cinéma. Donc voilà, on sait que la Nintendo 64 coûtera 1000 francs et sera livrée avec Mario 64 et une manette. Et en plus, la Nintendo 64, elle a 4 ports manettes. Ouais. Ça va être trop fort. Attends, ça veut dire que, implicitement, ça veut dire que tu vas pouvoir jouer avec 4 personnes en même temps sur le même jeu. Mais ouais. Oui, et en plus, mes parents, ils viennent d'acheter une 36 cm, mon gars, c'est un truc de ouf, on sera trop bien pour y jouer. Mais tu sais, en plus, ce que j'ai appris pendant le 3, bon, pour l'instant, c'est officiel qu'au Japon, ouais. Mais la Nintendo 64, elle a un espèce de système qui permet aux joueurs de jouer avec d'autres joueurs. Mais pas chez toi, tu vois, genre comme si tu jouais, enfin l'autre personne, il peut être à des milliers de kilomètres, tu peux jouer en même temps. Ouais, ouais, comme si t'étais un joueur. Il y aura jamais des câbles aussi longs. Comme sur Minitel, quoi. Ouais, mais sauf que là, clairement, c'est équipé, genre tu peux jouer avec d'autres personnes dans le jeu, mais qui sont à d'autres endroits du monde, pas à côté de toi dans ton salon. Ça, ce serait trop fort, ça. Ce serait dingue, quoi. Carrément. Non, mais là, c'est de la science-fiction, carrément. Ouais, ouais, carrément, ouais. Ouais, mais c'est, enfin. Imagine dans quelques années tout le monde sera connecté, pourra jouer en même temps dans un claquement de doigts, quoi, tu vois, comme dans Mimimati. Mais franchement, la référence, quoi. Bah ouais, bah écoute, je l'ai regardé hier soir avec mes parents, ça te pose un problème. Et du coup non, franchement, moi je suis plutôt confiant. Et puis bon, le panel. Ouais, modèle, la eh ben, 64. On va en parler parce que du coup ils ont annoncé aussi pour la sortie Turok. Turok, ça sera un peu comme le Doom qu'on avait sur Super Nintendo, sauf que bah on sera dans la jungle et on se battra contre des dinosaures. Et franchement, ça a l'air trop bien fait, quoi. Ouais. Franchement. En plus, on a un arc, quoi. Ouais. Tu sais, moi, les jeux et les dinosaures, c'est pareil. Enfin, c'est le genre de truc. Bientôt, on va en mettre partout. On va en mettre dans les films. On va en mettre dans les jeux vidéo. C'est bon, ouais, le dinosaure. T'es allé voir Jurassic Park, hein? Moi, déjà, j'y crois pas. Enfin, voilà. Moi, je suis hyper sceptique sur tout ça et je pense pas que ça marche. Non, ouais, franchement, je pense pas que ça. Oh, non, moi, je pense franchement, que ça. D'ici 10 ans, on en entendra plus parler, hein, de Jurassic Park. Je pense pas. Hein. Ouais, non, je pense que même les jeux vidéo, d'ici 10 ans. Ouais, ça va être une mode aussi. Clairement, ouais, je pense. Hein. Donc, Turok, ça va être vachement bien, quoi. Je suis assez impatient de l'essayer. Alors, on sait aussi que. Putain, il y aura un prochain Zelda. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Ocarina of Time, il s'appelle. Ouais. Et juste le cheval, moi, il m'a, enfin, ouais. Epona, du coup, il m'a transcendé la gueule, quoi. C'était un truc de fou. Ouais, et on va pouvoir monter dessus et se promener où on veut. Ouais. Sur encore une fois, ouais. Ça, encore c'est... un open world. Enfin, on peut dire non, un monde ouvert, je sais pas. Fin... Ouais, en anglais, ouais. Ouais. Là, ouais. Toi, tu as ton Corès anglais qui est chez toi en ce moment. Ça se sent. Ouais. C'est fou. Donc voilà, prochain Zelda. J'ai entendu un autre truc aussi. Ouais, ils vont prendre en fait ils vont faire un jeu où il y a plein de stars de Nintendo, genre Mario, Yoshi, etc., qui seront sur des espèces de stages. Et en fait, tu seras Kirby par exemple et tu pèteras la gueule à Mario, quoi. Genre comme un Street Fighter, mais avec. Ouais, mais où tu sautes plus. Donc encore un jeu qui fera l'apologie de la violence, on est d'accord. Oui, mais voilà, une fois de plus, tu vois. Puis surtout, voir Mario donner des coups de poing, tout ça, ça pourrait donner des mauvaises idées aux gamins, les faire se taper dessus à la récré. Enfin, c'est un peu risqué, quoi. Non, enfin, ouais, plus ou moins c'est risqué, mais si ça garde le côté tout public, c'est un côté cartoon. Je vois pas en quoi ça inciterait la violence envers le jeune public. Ouais, tu sais. Enfin, je sais pas. Tu vois, après, on a de la chance, tu vois, parce que. Encore maintenant, tu vois, on peut acheter n'importe quel jeu qu'on veut. Il y a pas vraiment de restrictions ou de limites, tu vois. Du coup, le problème, c'est que ça peut tomber entre des mains de plus jeunes qui pourraient s'en inspirer et faire des trucs horribles, quoi. C'est, ouais. Moi, ça me fait un peu peur, honnêtement. J'ai un peu peur que le jeu vidéo, vu que plus ça va, plus c'est proche du réel, là, la Nintendo 64, on s'y croit, quoi. Ah ouais. Du coup, j'ai vraiment peur que, à force, certains esprits un peu faibles vont se perdre entre les deux mondes. Ouais. Là, ça me fait un peu peur. Ouais. Carrément. Bon, en tout cas, ce Zelda, ça va être cool, parce que moi, le dernier que j'ai fait, c'était celui sur la Super NES. Ouais. Et qui est vachement beau, hein. C'est hyper bien fait. On a appris aussi qu'il y avait d'autres jeux, tiens. Il y aurait Wave Race. Je sais pas si vous avez vu un jeu de jet ski. Et l'eau, elle est hyper bien faite. Ouais. On dirait vraiment de l'eau, quoi. Ouais, c'est vrai que, mais une fois de plus, enfin, je trouve ça dingue qu'ils arrivent à mettre tout ça dans une petite console, quoi. Ouais. Enfin, je trouve ça assez oufissime de voir à quel point, enfin, je sais pas, tu vois, les modèles 3D, normalement, il y a des polygones, tu vois. Mm. Et là, mais je sais pas, il doit y avoir plus de 300 000 polygones, enfin, c'est un truc de dingue, quoi. Je trouve ça énorme, moi, perso. Je sais pas. Bah, après, mon père, il me dit, bon, c'est les Asiatiques, donc ils sont prêts à faire tout et n'importe quoi. Mais moi, je pense que ils ont vraiment beaucoup d'avance à ce niveau-là. Et je pense pas qu'un jour, Nintendo puisse être concurrencé par une quelconque autre. Ah, bah, avec des idées comme ça, je pense qu'ils vont avoir le monopole pendant un paquet d'années. Hein. Ah ouais, c'est non, clair. Non, moi, je crois pas, parce que depuis qu'il y a eu Sony, la PlayStation, moi, je trouve que Nintendo, dans quelques années, ils auront du souci à se faire, vraiment. Moi, honnêtement, je pense pas que la PlayStation, elle va marcher. Je pense que c'est genre la console un peu. Mais tu vois, enfin, c'est Sony, quoi. C'est à la base, ils font pas des jeux vidéo, tu vois. Ils ont pas ça. Moi, je pense qu'ils vont sortir ça. Ça va être un gros flop. Et on n'en entendra plus jamais parler, quoi. Non, parce que si tu veux, enfin, le panel est assez varié depuis maintenant quelques années. Du coup, quand t'as des jeux, c'est vrai qu'au début c'était assez violent avec des Fighting Force et compagnie, donc des beat'em all. Ouais, Killer Instinct aussi, Killer et Instinct. Mortal Kombat, t'as vu et comme puis... il était trop bien fait. Ouais, ah ouais, ouais, Mortal et Kombat. Puis les Tomb Raider aussi, qui avaient le côté un petit peu aventure, ça aussi Tomb Raider. En termes d'aventure, moi je pense que s'il y a un jeu que vous allez devoir suivre cette année, ça va être Banjo et Kazooie. Alors ouais. Justement, ouais. Tiens, ouais, je viens de recevoir le tweet de Dandy, qui nous envoie un tweet depuis 2015. Mmh. Truc de ouf. What the fuck. Ouais, Banjo et Kazooie, ouais, ça va tu être cool. Tu peux me dire comment c'est en 2015? Ah bah attends, il tweetera et puis il te racontera. D'accord. Et ouais, c'est quoi Twitter? Il a marqué c'est de la merde. C'est quoi un Twitter? Ah ah, mystère. Aucune idée, je sais pas. Alors voilà, Goustic, premier degré à mort, qui fait retomber le truc à plat direct, quoi, tu vois. Quelle merde. Depuis tout à l'heure, il arrête pas. Hein, voilà, premier degré de ouf, quoi. Bref, ouais non, Banjo et Kazooie, ça a l'air cool, on dirait un dessin animé et tout, ça ressemble un peu à Mario 64. On verra ça en mars. Il y a eu d'autres jeux d'annoncés. Il y a 1080 snowboarding. Je sais pas si vous avez vu comment c'est bien fait. Genre le snowboarder, il s'enfonce dans la neige, quoi. Ouais. C'est hyper bien fait. Ouais, à un moment, tu descends et au loin, il y a un coucher de soleil et tout. C'est franchement. Et t'auras 6 personnages jouables. T'as également des personnages féminins dans le jeu. Ouais, on pourra jouer avec des filles. Ah ouais. Ouais. Mais genre elles sont en vrai, quoi. Ouais, c'est vachement bien fait, quoi. Putain, c'est fou. Même ça. Les sapins, ils sont bien faits. Imagine la flore. Imagine le fait. Potentiel. Enfin, déjà moi, Tomb Raider. Enfin, excusez-moi, mais quand même, faut avouer que ça prête un peu au fantasme, quand même, tu vois. Le fait que maintenant, plus ça va, plus ça se rapproche de la réalité. Enfin, quand je vais prendre mon magazine au kiosque, voilà quoi, on voit Tomb Raider à moitié à poil, alors que elle existe pas vraiment en soi, tu vois. Ouais, qui sait. Enfin, je sais pas. Tu verras qu'un jour des gens essaieront de se déguiser pour essayer de se ressembler comme ça, là, des modèles de jeux vidéo. Ouais, tu crois? Oh. Ouais, je pense pas. On verra. Peut-être comme dans les dessins animés. Ça quoi. Se trouve, ils en feront des films, on sait pas. Hein. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est deux dimensions qui sont assez rapprochées au final, quoi. Plus ça va, en tout cas, plus c'est rapproché, je trouve. Ouais, en parlant de films, il y a deux jeux qui de Nintendo 64 qui sont inspirés de films. Il y en a un. Ouais, je sais pas vous, hein. Mais déjà, enfin, moi, je suis fan de la saga de base, le Star Wars. Franchement, le Star Wars. Ouais. Le quoi? Star Wars. Shadows Empire. Attends, c'est la guerre des étoiles. Ouais. Ah oui. D'accord. C'est avec les espèces d'épées lumineuses. Ouais, là. Avec enfin les, je sais pas ce que c'est, des espèces de katana là. Ouais, c'est chelou ça. Ah, ils font un jeu dessus. Ouais, ouais. Et en fait. Mais ça, pareil, dans 20 ans, on n'entendra plus parler quoi. Oui, ça. Voilà. Star Wars, non. Je sais pas pourquoi ils se fatiguent. Je comprends pas toute cette pub là. Ils ont réédité en VHS toute la saga et tout. Je sais pas moi. C'est le jeu où il y a un chien armé là dedans là avec des ouais, poils. Ouais, Chewbacca, je crois. Chewbacca, je sais pas quoi. Non mais déjà, est-ce que les gens accrochent vraiment à ça? Je sais pas. Mon père, il arrête pas de m'en parler à chaque fois, mais moi ça me saoule quoi. Moi j'aime bien. Enfin, je sais pas. J'aime bien les Power Rangers, Action Man quoi. Donc après. Ouais. Je sais pas. Ouais. Bon, on verra quoi. Mais en tout cas, le jeu est assez immersif. Bon, déjà avec les graphismes de la N64 et apparemment tu joues un personnage exclusif. Qui va aider Luke Skywalker à aider la princesse Leia, enfin je sais plus comment. Leia. Et en fait tu retraces les meilleurs moments de la saga, genre le premier niveau t'es sur la planète Hoth et t'es avec l'espèce de vaisseau qui doit arrêter l'espèce de gros chien mécanique là. Ouais. Tu sais, dans la neige là. Ouais, dans la neige. Alors ouais. Il sort une grande ficelle, tu vois, et puis ensuite pouf, il tombe. Tu veux dire qu'aujourd'hui en termes de jeux vidéo, tu revis des événements importants de films. Ouais. Et tu les refais toi-même comme si c'était toi qui étais le héros du film. C'est ça. Putain, le futur. C'est chaud quand même. Ouais, enfin bref, ouais. Mais je pense que Star Wars, d'ici un ou deux ans, on en parlera plus. Non, ouais, pareil, je pense pas que ce soit le genre de truc qui... C'est pas le genre de saga, de toute façon, que tu vas pouvoir déployer comme ça sur des années. Par contre, Banjo et Kazooie, dans 20 ans, on en sera au 15, quoi. Ah oui, oui, c'est sûr. Obligé, quoi. Oui, non, oui. Parce que les héros sont hyper charismatiques et tout, il va détrôner Mario, c'est sûr. Pareil, Sonic. Sonic, là on sait pas encore ce qui va se passer sur Nintendo 64. Sonic, c'est le porc épic bleu là. Ouais, mais ouais, sur la Master System et la Mega Drive, j'ai joué chez mon cousin. Ouais, déjà. Voilà. Ah ouais. Mais peut-être que j'imagine que dans 20 ans, des jeux Sonic, ils seront géniaux, parce que déjà Sonic, c'est génial, tu vois. C'est vraiment l'opposé de Mario, il est cool et tout ça. Et là, ouais, franchement. Il y a moyen que d'ici, je sais pas, 30 ans, ce soit une des icônes les plus importantes du jeu et que on trouve des jeux d'une qualité exceptionnelle. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Alors après, tiens, on reçoit des messages de 2015. Il y a Raptou qui fait bisous les geeks. Moi, je trouve que c'est plus compliqué que c'est pas facile. Ça, c'est sa petite phrase. Et il y a Moumoud qui fait la voix du geek, bouillon de culture. Et Dandy qui nous dit c'est moche, c'est la guerre et l'anarchie, fuyez la voix du geek. Merde. Ouais, mais en plus ils ont annoncé un autre jeu tiré d'un film. Moi j'ai été le voir au ciné avec mon tonton, GoldenEye. C'est James Bond, le britannique. Et apparemment on pourra jouer aussi à 4 sur la même télé, quoi. Oh. À 4 sur la même télé, c'est-à-dire tu fais comment? Tu découpes l'écran? Bah oui, l'écran il sera découpé en 4. T'imagines. Et genre, on aura chacun une manette et faudra qu'on se court après et qu'on se tire dessus, quoi. Bon. Je te jure. C'est carrément. Je sais pas. Ouais. Et sur France 3. J'arrive pas à me figurer. Pas trop à visualiser, enfin, comment. Enfin, avoir 4 écrans dans un seul, quoi. Et ben, il découpe en 4 et j'ai vu ça sur France 3 aussi. Voilà, qu'on pourra jouer. Enfin, franchement, ça va être trop cool, quoi. Ben, écoute, je suis assez sceptique. Moi, j'attends de voir. Ouais, je suis assez sceptique dans le sens où. Enfin, je sais pas, un écran à 4. Je sais pas, parce que là, je me dis que du coup, un écran de 36 cm divisé en 4, ça va faire tout petit. Et franchement, je le dis haut et fort ce soir, je pense pas que les gens, un jour, regarderont des émissions sur de tout petits écrans, ni des jeux sur de tout petits écrans. Non, mais c'est un argument de vente, c'est un argument de vente de Nintendo. Ça. Ouais, ouais. Non. Je pense qu'ils vont droit dans le mur. Je pense que dans ce cas-là, ils devraient faire des très grosses télés exprès pour qu'on puisse jouer à 4 ou avoir 4 télés branchées. Mais ouais, non, là, ça me paraît louche quand même, quoi. Je sais pas. Enfin, c'est puis ça va obliger les parents à nous faire des petits frères et des petites sœurs. Eh oui. On est. Mais après, c'est cool. On invitera nos copains après l'école. Ouais. Ça, faudra que je demande à ma mère avant. Ouais, pareil. Hein. Et ouais. Et puis ils ont aussi un autre jeu qui sera jouable comme ça à 4 à la maison. Mario Kart. Ah, et en plus, il est hyper bien fait parce que du coup, Mario Kart, un jeu de cartes. Oui, un jeu de karting. Comme sur Super NES. Ouais, c'est ça. Comme sur Super NES, mais hyper bien fait. Pareil, il montrait à la télé une vidéo. Ah non, mais en plus, j'ai vu sur une VHS chez un copain là. Il y aura la course arc-en-ciel. Putain, comment c'est trop fort les couleurs et tout. Ah ouais. Ouais. Il y a beaucoup de couleurs. J'avais vu sur la série animée Mario. Oui, c'est génial. C'était ça. Samedi dernier, ils avaient sorti ça, genre exclusivité mondiale Mario Kart, et c'était vachement cool. Franchement. Ouais, franchement, ça m'a l'air d'être bon. Mais pareil, j'espère que ce genre de jeu, on verra un peu un suivi, mais j'y crois pas vachement, quoi. Enfin, selon moi, ouais, c'est plus Banjo et Kazooie, Sonic et tout qui dans le futur seront vachement plus présents. On est en train de parler de course de plombier. On est d'accord. Ouais, c'est clair, c'est absurde, quoi. Ça accroche personne. On joue que Mario dans Mario Kart ou il y a quoi? Non, il y aura tous les personnages de Nintendo. Ah, genre Yoshi. Tu vas enfin pouvoir porter des jupes en prenant Peach, Goustique. Trop bien. La classe. Oh, mais c'est je sais pas. Enfin, franchement, je Yes, bon, en tout cas, moi je l'attends pas mal cette Nintendo 64. Elle coûtera 1000 francs. Faudra que je vois avec mon pépé s'il veut pas pour Noël. Putain, pour mon anniversaire. J'ai pas assez dans ma tirelire en ce moment. Non, mais déjà, le Walkman il a coûté gay et cher. Hein. Là, ça commence à faire beaucoup, quoi. Bon, bref, on s'écoute de la musique un peu. Ouais, ça marche. Allez, vas-y. Qu'est-ce qu'on écoute en 97 vinyle? Non, là on écoute. On écoute Mark Morrison avec Return of the Mac. C'est le tube du moment là. C'est vrai. Ah ouais, j'ai entendu sur Hit Machine samedi dernier. Ouais. Mais carrément. Stylé, quoi. Carrément, on s'écoute ça. Allez, vous écoutez toujours La Voix du Geek. Mais moi, je vais mater le Club Dorothée, je reviens. On a chuté, on a un convecteur temporel, on a atterri en 97. Pendant le Scud, j'y mets 2-3 petits coups de tournevis. Et puis, on va re-essayer de s'en servir, voir, histoire de parler un petit peu de voyage dans le temps. Restez bien avec nous à 20h, juste après 20h. Nous aurons une invitée, Elsa Chartier, dessinatrice, illustratrice même. Illustratrice. Oui. Illustratrice d'une bande dessinée sur les voyages dans le temps. On dit illustratreuse. Illustratreuse, mais non. En plus, tu me mets le doute. Ah oui, non, mais moi, tu sais que mon français approximatif. Allez, on revient dans un instant. Vous écoutez toujours La Voix du Geek, et nous, on revient juste après ça. Et les gars, on ne parle pas pendant le jingle. Vous écoutez Eau de Radio. Vous écoutez Eau de Radio sur 91.3. 91.3. Radio. Écoutez Eau de Radio sur 91.3. 91.3. avec Cultura, retrouvez la voix du geek. Cultura, l'esprit gamer. Allez, nous sommes de retour, on est toujours en direct. Oh putain, il y a Gusty qui vient de prendre une claque. À chaque début de Ah, tu de l'as jingle, pas volé celle-là. Non, mais à chaque début de jingle, il me tape, tu sais, pour que genre je puisse rien faire quand l'émission commence, mais j'en ai rien à foutre. Je te tape non, quand c'est même. C'est pour juste te dire que ça va commencer. D'accord. Il te prend au pogs tout à l'heure. Ah ouais, attention. Allez, on est de retour, on est toujours en direct. Dans un instant, un peu après 20h, notre invité Elsa Chartier qui va nous parler de sa bande dessinée. Mais avant ça, donc juste avant, hein, on a eu un petit... Ah merde, je marche sur mon fil. On a eu un petit problème de... C'est pas ton fil ça, l'infernal. Ah oui, mince. Mais oui, mais j'ai des problèmes d'enrouleur de tuyaux. Bref, on a eu des petits problèmes avec le convecteur temporel hein, que j'ai trouvé à la brocante. On va s'en resservir. Ouais, ça marche pas très bien. Ben non, on s'est retrouvé en 97. Alors, il y a Raptou, tiens, sur Twitter qui nous dit « Mais qui sont cons ?» Et j'en ai vu passer un autre. Ben celui-là, je le lis pas à l'antenne, sinon voilà. C'est de Clément, Dandy. D'accord. Bref. C'est dans les offs. C'est ça. Est-ce que vous voulez que j'essaye de m'en resservir quand même? Mais ouais, franchement, essaye. Ouais, vas-y. Tu veux pas chercher le mode d'emploi quand même? Ouais, il y a pas un mode d'emploi pour choisir une date ou je sais pas quoi, une date au pif. Histoire qu'on puisse retourner chez nous ce soir. T'as pas trouvé le PDF sur internet? Ben non. Moi, j'aimerais bien voir, je sais pas, ce qui va se passer plus tard, mais pas, enfin, voilà quoi, le passé, on connaît quoi. Attends, j'essaye parce qu'il y a plein de boutons dessus. Mais toi, samedi, on aura le tirage de l'Euromillion comme ça. Ouais, c'est pas ouais, grave, ce serait pas après, grave. Ouais. Attends, j'essaye. Vas-y, essaie de nous téléporter à samedi prochain. OK, c'est parti, attends. Vas-y. J'appuie. Oh putain. Oh, oh. Putain, ça repart. Oh. Mais qu'est-ce que c'est? Oh. Wow. Je préfère l'avion en seconde classe quand même hein. Et qui? Ouais. C'est quoi ça dehors? Merde! Qu'est-ce que c'est? Putain, et je crois que tu nous as téléporté un peu loin quand même. On n'est pas samedi. Sérieux? Attends, ouais. Je regarde sur mon téléphone. J'ai jamais vu les trois lunes d'aussi près. Ouais, c'est clair. Putain, ouais. Ouais, enculé. Et merde. 2045! Vous avez vu, les chaises elles ont pas de pied. Ah ouais? C'est chaud ça. En fait, on a l'impression d'être sur une chaise alors qu'on est debout. Pourquoi tu portes une veste en aluminium? Je sais pas. Ça a aucun sens. Ben, on est en 2045, les poulets. Ouh, 2045. Ouais. Ben, écoute, c'est assez stylé. Ben ouais, écoute. Ben, c'est bizarre parce qu'on n'a pas de micro, on parle dans rien. La table de mixage, ouais, j'ai des lumières au bout des doigts, je comprends pas. C'est chelou. Bizarre. Enfin, bon, en tout cas, je peux tout faire. J'ai je peux l'impression baisser d'être la musique. Iron Man, quoi. C'est... Ouais. Mais ouais. Carrément. Mm. Tiens, bah si, bah j'ai. Il y a un papier qui traîne sur le bureau. Attends, je regarde. Ah ouais, nous aussi. Quoi? Call of Duty Mini Warfare 16. Ah bah c'est un test de jeu. Mais tu penses que c'est nous dans le futur qui l'avons rédigé? Bah je sais pas. Après pourtant j'ai pas fait gaffe tout à l'heure. Bah en fait j'ai peut-être laissé traîner dans la régie. Ouais peut-être, je sais pas. Eh bah écoute, tu veux qu'on en parle? On en parle? Ouais écoute, vu qu'on l'a testé de façon... Ouais, allons-y, ouais, carrément. Écoute. Eh bah écoute, on est en 2045 chers auditeurs. Le test de Call of Duty Mini Warfare 16. Ouais. Alors on va faire le tour du propriétaire. Et mais la musique elle est là tout le temps en fait, je peux pas l'enlever. Mais elle sort d'où? Bah je sais pas, vous l'entendez aussi? Bah ouais, mais j'ai l'impression qu'elle est dans mes oreilles. C'est bizarre, hein, je l'ai dans la tête aussi. Ok, c'est la radio du Turfu, écoute, pas, on va s'adapter. On hein. A l'air d'être plugué. Ouais. Ouais, bah ouais. Alors, Call of Duty Mini Warfare 16, c'est édité par Disney, Ubi, Activision, EA Blizzard Game. Ah ouais, d'accord. C'est, ouais. Ah, c'est le gros studio. Ah ouais, ouais, c'est clair. Bah de toute façon, depuis qu'ils ont tout racheté. Ouais. Et puis c'est développé par McDonald's Studio. D'accord, ok. Ah ouais. C'est déconseillé au moins de 3 ans. Ouais, ben bah normal ça. Et c'est sorti sur toutes les plateformes sauf sur PC, vu qu'apparemment ça existe plus parce que là il y en a plus dans la régie. Bah de toute façon, j'ai l'impression que nous sommes les PC un peu. Hein. Mm. Bah ouais, ouais, je crois aussi. C'est chelou, écoute. Est-ce que oui, tu voulais dire quelque chose? Je crois qu'il a le disque dur qu'il gratte. Hein. Bah, on a un truc dans les fesses, je comprends pas. Ah ouais. Regardez. Ah putain. Ouais, ben bah, n'y touche pas, et touche pas le mien. C'est sale. Ça fait mal. Arrête de te frotter. Mais n'y touche pas. Et vous savez à quoi ça me fait penser? Vous vous rappelez le film qu'il y a eu dans les années 2000, là, Existence? Eh ben ouais. Ouais. Eh ben je me sens un peu comme lui là. Eh ben c'est un peu ça. Comme dans Matrix, sauf qu'au lieu d'avoir le tuyau au niveau du cou, on l'a dans l'océan. Carrément. Bon, on fait un petit point sur l'histoire de Call of Duty 16. Ouais, bah ouais, carrément. Alors apparemment, après la grande guerre de 2217, tout n'est que désolation sur Terre. Un peu comme maintenant, en fait. Bah ouais, c'est bizarre. Parce que c'est un peu moche. Tous les savoirs de la médecine sont perdus. Et seul Sergueï Lopez, riche mania, connaît la dernière recette du Doliprane. D'accord, ok. Grâce à un procédé révolutionnaire. L'armée peut miniaturiser les soldats. Nous pouvons donc, nous suivons donc, une équipe injectée dans le corps du Russe afin de lui dérober la recette et ainsi sauver l'humanité. Ouais, logique, ouais. Bah ouais. Suite à une première manœuvre loupée, Sergueï se fait injecter une armée afin de protéger son savoir. Donc en fait, on se bat dans le corps de Sergueï, quoi. Exactement. Ouais. D'où le mini warfare. Mais ouais, ah, carrément. Pas chier dans le futur, ils ont des scénarios de dingue. Carrément. Alors niveau gameplay, je crois qu'on va avoir quelques explications sur nos problèmes là. Mais ouais, c'est donc en fait, ce qu'on a dans c'est le port UDDTC. UDDTC, ouais. D'accord, ok. C'est on a l'étymologie du nom. Non. D'accord. Non. Ok. Non, c'est pas. Alors ils disent apparemment immersion totale. Grâce au nouveau port UDDTC, à se faire installer en magasin qui permet de jouer comme dans un rêve. C'est-à-dire, on l'a tout le temps? Eh ben, je crois que ouais, c'est ce qu'on a là. C'est vachement handicapant quand même. Enfin, moi, ça me fait mal. On peut pas l'enlever. Je sais pas vous, mais... Essaye pas, on sait pas, tu sais. Essaye pas. Ok, on a ça. Ressenti des actions et des tirs physiquement. Ah ouais, là, on est en immersion complète. Ouais, c'est. En fait, on rêve dans le jeu vidéo, quoi. C'est. Un peu comme ce film là, Inception un peu, mais sauf que en fait, au lieu de rêver de la vraie vie, on rêve vraiment de la vraie vie en fait. Bah, ouais, au lieu d'incarner le personnage, tuer le personnage. Ouais, bah ouais, comme il nous avait dit il y a quelques années, sauf que là, c'est vrai quoi. C'est ça. Alors après, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a un gameplay asymétrique pour un des joueurs. Donc Loloplay, tu sais Loloplay. Ouais, bah ouais, ouais. Du coup, tu visualises en temps réel donc l'avancée. Hein, donc t'as une carte devant toi en 3D en hologramme. Bah tiens, je la tiens là. Et en fait, tu vois ce que font tes camarades, quoi. Ils ont l'air d'être beaucoup, quand même. C'est ouais, c'est assez fouillé dans la map. En ouais, fait. Attends, je zoome. Ah ouais, c'est assez fou quand même. Il y a énormément de joueurs en même temps. Ah mais ça se joue à 1000 contre 1000. Hein. Ah ouais, d'accord. C'est vraiment une vraie guerre, quoi. C'est ça. Alors du coup, apparemment, on est scanné en plus pour déterminer sa classe. Avec Loloplay, donc l'hologramme de la PlayStation. Alors ça, je vais en parler. Hein, l'ai testé. Moi, Loloplay m'a scanné. Il m'a dit que je serais cuisinier. En classe. Ouais. Remarque avec le couvercle holographique et tout. Le couvercle de marmite holographique. Il doit y avoir un bug. Il y a marqué que je suis un. Non. Ça marche très bien. Moi, il y a marqué que je suis garagiste. Chauve. Chauve. Que je suis. Jean. Je suis pas garagiste, je suis juste chauve. Je comprends pas. Ouais, mais je crois que dans l'époque où on est, c'est une suite logique en fait. Ah, d'accord. Ouais. Bon, écoute. Tu pourras me réparer ma Z66 après, s'il te plaît. Ouais. Parce qu'il faut que je retourne chez WAM, mais. Mais il faut. Deux, trois problèmes. Non, mais concernant la durée de vie du jeu, t'as une info, l'Infernal, dessus? Alors, apparemment, en durée de vie, le prochain Call of 16 durerait 1h15 et il y a 27 chapitres. Ah quand même, ah ouais, ils ont mis le paquet quoi. Ouais, donc c'est cool hein, quand même. Ils ont vachement rallongé la durée de vie. Ouais, c'est clair comparé à ce qu'on voit en général. Tiens, il y a Iskurt et Raptor qui nous envoient des tweets du passé. Il y a Iskurt qui fait « Faites pas les cons, je vous écoute. Comme promis, je vous envoie plein de bisous de Suisse. Continuez, je vous adore. » On t'envoie plein de bisous du futur. Alors je sais pas s'ils vont arriver. Et il y a Raptor qui fait « Plus de PC dans le futur, je m'auto-suicide tout de suite. » Ah mais c'est pour ça qu'il y avait une tombe pas loin bien, Raptor en fait. Donc. On le vit bien, c'est nous les PC en fait, c'est assez bizarre. Ouais. Alors apparemment il y aurait 78 DLC de prévu, mais pour y jouer, il faudrait dormir 6 heures. Apparemment chaque DLC c'est à 100 000 crédits, donc je connais pas la valeur de l'argent, mais ça m'a l'air assez énorme. C'est C'est hallucinant. Peut-être que faut. Ah mais c'est pour ça qu'il te manque un rein. Et que le deuxième tu l'as dans le dos. C'est parce que t'as dû acheter les DLC. Non, j'achète pas les DLC. Non. Bah arrête, t'as une cicatrice sur mais tout le corps. Mais je vois pas de quoi tu parles. Je sais pas, écoute. Mais 6 heures de sommeil. Pourtant j'ai. Bah ouais. Ah non, j'ai pas dormi. Pensons le sommeil, c'est pour les faibles, même dans le turfu. Hein. Pour avoir testé un truc, c'est assez dérangeant parce que t'as ce mode réaliste là. Oui. Dès qu'on te tue, tu te fais 24 heures de coma, quoi. Oui. Moi, lundi dernier, je devais aller au boulot avec ma Z66, et du coup, je me suis fait tuer en ligne, et du coup, j'ai pas pu aller au boulot le lundi matin, quoi. Moi, j'ai voulu réparer ta bagnole, alors j'ai repris ta partie, en fait, j'étais dans le coma à mon travail. Tu veux dire fait, que. À ma pause de. Tu étais déjeuner. En moi, et t'es tombé dans le coma? Ouais. D'accord, ça me semble logique. C'était un nouveau mode en fait qui a été annoncé. Non, je veux pas savoir ce mode-là. C'était la semaine dernière. Merci beaucoup, Gusty. Donc après, vu qu'on a pu y jouer un petit peu pendant le Scud là, en fait, ce qui est pas mal, c'est que les graphismes, Ils sont révéalistes. Ouais. C'est dingue du coup parce qu'en fait, enfin c'est un rêve quoi. Tu le vis, mais c'est pas vraiment la vraie vie quoi. C'est comme un rêve en fait. Là vraiment coup... la distinction entre les deux est clairement assez chaude à faire quoi. Sauf que c'est pas toi qui décides quand tu te réveilles. Malheureusement. Ouais. Ouais. Alors après il y a un niveau, un chapitre qui était pas mal où t'es vu qu'on est miniaturisé dans le corps de Sergueï là, où t'es dans une veine mon gars. C'est un espèce de gros tuyau géant. Ah ouais, ça c'était ouf. Ça. Oh, cette map elle est ouf. Ouais, et t'as un espèce de jetpack et en fait t'as des globules rouges et tout qui passent. Enfin c'est franchement c'est pas mal fait. Hein. Bah on dirait la vraie vie. Quoi. On dirait ouais. T'es vraiment dans le corps humain. Je sais pas combien, ça doit faire 20 mètres de diamètre au moins la veine. Donc on est minuscule. Ouais. Ah, oui. Et franchement, ça rend vachement bien, quoi. Moi, j'ai bien aimé le niveau d'après, là, où on est dans les intestins. Ah, le labyrinthe. Ah, putain, je me suis perdu, moi. Ouais, après, bon, cette faculté d'odorama, c'était peut-être un peu con de l'avoir inventé, parce que effectivement, dans un intestin, il sent pas très bon, quand même. Ouais, surtout le dernier niveau, on en parlera après, mais le dernier niveau, l'odorama, c'est... Mais j'ai trouvé vachement intéressant le labyrinthe intestin, vraiment, parce que je trouve qu'il vend le jeu, j'ai envie de dire. Ouais. Je trouve que les Disney EA, alors je me souviens plus le nom. Disney Ubi Acti EA Blizzard Game. Je trouve là qu'ils ont fait un gros effort au niveau de ce passage-là, vraiment. Donc dans le futur, on fait plus les liaisons, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Par contre, au final, ça 1h15 de gameplay, c'est énorme, quoi. Ouais, enfin, carrément. On n'a plus l'habitude du tout. C'est mieux que le précédent. Bah ouais, sachant que maintenant Call of Duty nous a habitués à un quart d'heure, 20 minutes ouais, de game. C'est clair, pareil. Pour le dernier Assassin's Creed. Oh les trolls. Assassin's Creed 17 là, franchement, excuse-moi, mais je l'ai fini en 10 minutes quoi. Bah ouais, carrément. Il est pas top là. Puis, non. Il y a eu la suite en 30 secondes, ça vaut pas le coup. Vraiment. Ouais, puis c'est chiant, à la fin tu meurs pendant un mois, j'ai pas pu me reconnecter à la vraie vie quoi. Il fallait que tu le préco. C'est vachement handicapant. Il fallait le précommander en fait. Ah ouais, ok. Bah ouais. Carrément. Moi je suis revenu à moi, ma femme était enceinte. Oh merde. Ouais. Alors on cherche le père aujourd'hui. J'y suis pour rien. Non mais dans le labyrinthe intestin c'était tendu parce qu'à un moment je me suis perdu dans l'appendicite mon gars. Oh ouais, c'est normal. Et j'ai récupéré un espèce de fusil laser et il y avait des enzymes qui arrivaient de partout. J'ai tiré dans le tas. Franchement c'était un truc de ouf. Par contre j'ai rencontré un glitch, c'était pas vachement agréable. Hein. Un glitch quand t'es en révéalité, franchement c'est vraiment hardcore, c'est désagréable à vivre. Bah t'as des convulsions en fait. Bah ouais c'est enfin je sais pas si vous en avez déjà vécu un ces dernières années, mais franchement c'est pas agréable quoi. Toi t'as fait le dernier niveau, Fidel Gastro. Ouais. Ouais Fidel Gastro. Ah il était génial celui-là. Ouais c'est, je crois que c'était le pire celui-là en fait en vrai. Hein. Ouais. Mais le niveau d'avant là, où t'es dans le cerveau. C'était assez stylé. Par contre, les décharges électriques que tu ressens en vrai, pareil, ça commence à devenir violent le jeu vidéo quand même. Ouais, carrément. Et puis pareil, quand tu sautes de neurone en neurone. Ouais. En plus, j'y étais presque parce que du coup, la recette qu'on cherche du Doliprane, elle est dans un neurone, tu vois, un peu plus loin. Ouais. Et j'ai loupé le saut et je suis tombé dans le vide et je suis vraiment. Mais je suis vraiment tombé pendant 24 heures. Ouais, il y a eu des plaintes. Tu sais qu'en plus, Moustique, avec sa morphologie, il a une physique qui est différente de la tienne, par exemple. Ouais. C'est que lui, pour les sauts, il galère grave. Et ouais. Avec la classe mécanicien. Par contre, quand il se prend des dégâts, ça va, c'est amorti, tu vois. Mais dès qu'il s'agit de sauter, on a joué en duo là, c'était assez hardcore quand même. C'était assez hardcore, heureusement qu'il y a encore des phases de tuto avancées pour vraiment te perphectionner dans certaines phases de jeu. J'ai pas encore très perfectionné. Mais j'ai pas le temps avec le boulot quoi. Ouais, Carrément. Après, il y avait le dernier. On va vous spoiler un peu, mais le dernier niveau est pas mal parce que du coup, on sort de Sergueï une fois qu'on a récupéré la recette. Et moi, j'ai trouvé ça un petit peu chelou à vivre parce que voilà, il y a un espèce de grand courant d'air. On est dans un grand tuyau. Et on est éjecté d'un coup. Ouais, puis niveau odorat, quoi. Franchement, c'est assez insoutenable. C'était un peu de mauvais goût, quoi. Carrément. J'avais l'impression d'être comme dans ce vieux film, là, Hunter the Void. Je sais pas si tu l'as vu. Bon, c'est historique maintenant, tu vois. Mais j'avais vraiment l'impression d'être dans ce truc, en fait, mais en rêve, quoi. Franchement, c'était assez hardcore. Non, il est assez intéressant, mais je trouve que les premières minutes, où tu vois rien, mais où tu dois te guider. Ouais. Je trouve ça assez. En plus, moi, je me suis fait avoir parce qu'on y voit rien. Du coup, j'ai allumé une torche avec le méthane, tout a explosé. Non, faut pas le faire. Et puis là, t'en es pour une semaine. Dans le coma, quoi. C'est ça. Brûler vif, c'est pas. Même en révéalité, c'est pas sympa à vivre. Mais je pense que tout simplement, en fait, avec cette séquence finale, ils ont voulu, quelque part, montrer l'image, une sorte de renaissance du personnage. Ouais, il y a moyen. Ça se termine. Où bah, du coup, c'est autre chose, c'est un peut-être renouveau. Même une renaissance de la licence, en oui, fait. Oui, c'est ce que, mais c'est ce que j'allais dire en plus. On l'espère tous. Ouais, on aimerait bien, quoi, parce que c'est vrai que ça, bon, voilà, quoi. La guéguerre, depuis une centaine d'années, là, ça commence à être hardcore. Mais ouais, en plus, la séquence d'escalade, dans les poils de Hulk, franchement, c'était non, vachement en bien. En plus, vu que t'es tout petit, les poils, c'est... Ils sont hyper grands, ça hyper... a même pas l'air d'être des poils, en fait. Ah non, mais ils sont c'est hyper rigide, chaud. En fait. Ouais. C'est hyper chaud à attraper. Et ça me faisait penser à des séquences d'un jeu de rétro gaming, Uncharted, un peu. Wow, c'est vieux, ça. Et ouais, c'est hyper vieux, mais du coup, c'est un peu la même séquence où tu grimpes comme ça. Mais l'air de rien, il y aurait pas cette difficulté-là. Je pense qu'aujourd'hui, on n'aurait pas créé des compétitions justement sur ce jeu qui est quand même devenu la référence e-sport. C'est ça. E-olympique. Et e-olympique, effectivement, aujourd'hui, les États ne se font plus la guerre en vrai. Ouais. C'est-à-dire qu'ils se la font sur ce jeu-là. Et ce qui fait que ben on a de plus en plus de personnes qui sombrent dans le coma pendant 24 heures. Ouais, effectivement. Ouais, mais par contre, on a moins de tués. Il y a moins de victimes et moins de dégâts matériels, j'ai envie de dire. Tout à fait. On a même vu des personnes qui ont accédé à une classe élite de par leur très bon niveau, aujourd'hui, les États font appel à eux pour régler. Ils ont réglé il y a pas très très longtemps le problème israélo-palestinien. Ouais. Et, et ça a été fait grâce à ce jeu-là. Donc aujourd'hui, moi je dis GG Disney, McDo. Ouais, c'est clair. Ouais. Je viens de recevoir un message du passé où on nous dit. Par contre, dans le futur. Attends, merde, je vois pas. On nous dit, par contre, dans le futur, elle est meilleure qu'en 2015. Ouais, nos drogues. Oui, oui. Effectivement, ouais. Non, mais ouais, franchement, moi j'ai trouvé ça assez stylé. Après, je sais pas, moi je commence à me dire que je préfère vivre en réalité en fait. Parce que mon avatar il est tellement plus cool. Ouais, pareil, ouais. C'est, déjà, je suis 1m80. Ça fait plaisir parce que dans la vraie vie c'est un peu plus compliqué et puis la c'est musculature que j'ai faire la, bise, ouais, la musculature que j'ai enfin voilà bon après ça dépend aussi de ton scan hein. Goutique par exemple il a pas eu beaucoup de chance et ouais mais enfin c'est assez proche de la réalité du coup mais il a pas eu autant de chance que moi je pense que je vais définitivement me faire numériser à l'intérieur du jeu quitter ma vie de toute façon moi j'ai une femme qui m'attend dans Mini Warfare je vois pas pourquoi je resterai ici quoi bah ouais c'est clair ouais. Est-ce que vous voulez qu'on parle un peu justement plus en détail du multijoueur ouais bah ouais carrément ah oui Bah là c'est la guerre pour le là, coup. Là c'est vraiment la. Attends, tu peux montrer la map là s'il te plaît. Tiens bah attends. Juste sur Loloplay. L'affiche ouais. Alors attends, ça charge un tout petit peu, ça brouille en suivant où est-ce que tu ouais, es dans l'endroit. Il y a du clipping au niveau des nuages. Apparemment il y a une mise à jour dans 24 minutes donc ça pourrait s'arranger. Écoute. Alors en fait, alors c'est hyper radiophonique comme à chaque fois, mais là c'est vraiment le turfu de base, c'est que il y a c'est du 1000 contre 1000 vraiment ouais, c'est on voit les joueurs en direct s'affronter à 1000 contre 1000 on voit la progression on voit des engins aussi qui sont très alors faut savoir que chaque joueur qui se fait shooter là il se tape 24 heures de coma quand même c'est oui bah, alors, je sais pas regarde, pourquoi regarde, on continue tu vois là point rouge 24 ouais. Je sais pas pourquoi on continue à faire ça en soi parce que c'est assez désagréable l'air de rien de mourir en réalité maintenant quoi c'est enfin moi perso je kiffe alors, pas trop ça quoi. Alors, à ce qui paraît, c'est encore juste une rumeur, mais ils essaient de réduire le temps de coma, en fait. Mais ça serait bien, déjà. Mais oui, mais c'est pas facile, parce que c'est... c'est vraiment... Il parlait de 21 heures de coma au lieu de 24, mais c'est encore en alpha. Ouais. Mais et écoute, l'alpha sera disponible, je pense, à la fin de l'année, mais c'est pas sûr encore. Okay. On le verra à le prochain... Bon, bah, je la bio-téléchargerai, quoi. Ouais, carrément. Pareil, moi aussi. Ça marche. Carrément, donc voilà, multijoueur 1000 contre 1000, ça promet des belles parties, surtout qu'en plus, on n'en a pas parlé, mais les armes qu'on a, ouais. On tire plus avec des flingues, on tire avec les doigts en fait, ouais. Les rayons partent de nos doigts quoi, c'est assez cool. Mais c'est un peu comme, je sais pas si vous vous souvenez, c'est encore vieux que Uncharted, vous vous souvenez dans Dragon Ball Z, Freezer. Vous savez que son, son rayon. Loin là. Ah ouais, je suis à des années-lumière, man. J'étais gosse. Ouais, mais moi aussi. C'était les gosses de mes gosses de mes gosses, quoi. Ouais, je sais bien, mais la moindre attaque avec le bout du doigt, mais il exterminait une planète, tu vois. Mais ouais, non, mais ouais, c'est peut-être inspiré de ça après. Moi, oui, perso, cette sensation, perso, j'ai la classe Flyer, du coup, ça me permet, tu vois, de m'envoler. Enfin, une fois de plus, tu vois, c'est assez stylé que tu sens vraiment l'attraction dans ton dos, tout ça. C'est vraiment une nouvelle réalité, en fait. Enfin, comme quand tu rêves en soi. Mais par contre, je sais pas si vous avez remarqué, mais moi maintenant, quand je dors vraiment, impossible de rêver. Impossible. Ah non, moi non plus, je rêve plus du tout. C'est fini quoi. Plus tu joues, moins t'as accès vraiment à de vrais rêves. Mais il y a eu pas mal de plaintes sur ça quand le précédent Call of Duty était sorti. Bah ouais, mais c'est peut-être un peu dangereux aussi, au final. Oui, mais bon, après, je pense qu'ils vont travailler là-dessus. Parce que y a eu des morts dans le Call of Duty 15, parce que du coup, c'était à l'époque de l'âge de pierre, et en fait, il y a pas mal de mecs qui s'étaient fait piétiner par des mammouths et tout. Ouais. Ça me rappelle un Far Cry, pareil, c'est du rétro gaming. Je sais pas si vous vous rappelez Far Cry. C'est un FPS. Je crois qu'il y en a eu Primal. Là. Voilà, Primal. Oui. Ah ouais, c'était ouais. Ouais. Bon, mais à cette époque-là, enfin, c'était super moche quand même. Ouais, mais on savait pas faire des jeux vidéo en 2015. Hein, clair. Bah, comparé aujourd'hui, franchement, c'est du. Là, on peut dire que c'est du triple A. On est d'accord. Et puis avec la révolution technologique qu'ont mené les Russes il y a quelques années, ça permet vraiment de. Enfin, je sais pas. Par contre, moi, je joue à 1000 contre 1000. Après, pendant 2 heures, j'ai une migraine, quoi. J'ai la gueule de bois, quoi. On ressent vraiment les aspects physiques à cause du réalité. Ah oui, t'es destroy. C'est ça. C'est vraiment destroy. Hein. C'est surtout d'être connecté H24 avec eux, quoi. On les entend tout le temps. Ben ouais, puis au final, ça fait une semaine que je suis pas allé au taf. Et ouais. Là, je les entends encore. Et tu t'en rends pas compte. Là, j'ai fait le déplacement, mais le reste du temps, je reste chez moi, dans mon coin, et je mets mon casque, je branche mon tuyau, puis voilà quoi, je suis parti pour toute la semaine. J'ai même plus besoin de m'alimenter au final. Ben ouais. En conclusion, vous voulez qu'on termine rapidement un tour de table. Qu'est-ce que t'as préféré, toi, Kougou, dans cet épisode, et qu'est-ce que t'as pas aimé? Alors ben moi ce que j'ai adoré déjà c'est que avec cette partie donc on va dire vidéoludique du jeu, le ludique prend toute son ampleur dans le sens où on découvre absolument tout le corps humain et moi je suis à deux doigts de militer pour que ce jeu rentre carrément à l'éducation nationale et que ça fasse partie du programme de la maternelle. C'est déjà le cas dans certains pays hein. Ouais, mais c'est pas encore chez nous, donc voilà. Moi, j'attends à ce que ce soit vraiment chez nous, parce qu'il y a un vrai côté pour apprendre. Il y a une vraie pédagogie derrière, et je pense que ce jeu, c'est déjà demain. Oui, yes. Écoute, on appelle notre président Justin Bieber, fait de Néo Bordeaux la prochaine ville à accueillir ce genre de d'éducation nationale, quoi. Ouais. Et qu'est-ce que t'as pas aimé du coup? Ce que j'ai pas aimé, tout le côté en odorama qui pour moi, à la limite qu'ils le mettent en DLC pour ceux qui voulaient le tester, mais là c'était présent déjà d'emblée dans la galette. Donc moi j'ai passé là-dessus. Ok. Et toi Iki, rapidement, avant qu'on s'écoute le SCAD, il nous reste 3 minutes. La réalité, toujours aussi stylée, un peu dangereuse, mais toujours aussi cool. L'univers qui est pas mal, pareil, la partie odorama j'ai pas trop kiffé. Puis les DLC, autant je veux bien claquer mes crédits dans les DLC, autant devoir acheter un DLC pour avoir des jambes, c'est un peu hardcore quoi. Je sais pas pourquoi ils ont pas prévu le système économique. Hein. Ouais, mais je sais pas pourquoi ils ont pas prévu l'option dès le début. T'arrives dans le jeu et là, t'as pas de jambes et faut que tu les achètes. En tout cas, j'aime pas être un tronc humain, quoi. C'est pas mon kiff. Voilà. Ouais. On se fait bien l'image. Ouais. Et toi, Goustique? Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est la réalité, vachement augmentée. Comment tu peux aimer? T'as vu ton avatar? Écoute, tous les goûts sont dans la nature. Ouais, mais il est dégueulasse. Mais non, franchement, moi j'aime bien. Et puis l'histoire. Moi, je trouve que l'histoire reflète bien. Oui, ça, c'est plausible, ça. Reflète bien notre société. Ouais. Elle est très actuelle. Je suis un petit peu déçu de Sergei Lopez à la fin, mais on n'en dira pas plus. Vous savez tous pourquoi. Ouais. Mais du coup, le seul défaut que je mettrais, c'est on disait la même chose, l'odorat et le passage où tu restes dans le noir pendant 5 minutes. Ouais. C'est assez désagréable. Sur une heure et quart de jeu, c'est difficile d'être bloqué comme ça aussi longtemps, quand même. Oui. Et du coup, après, les plus, je trouve que le multijoueur 1000 contre 1000 s'améliore d'année en année. Oui, yes. Et j'attends le prochain DLC qui sera 2000 contre 2000 qui arrive dans quelques mois, normalement. Oui, yes. Faudrait aller à l'E3 là, sur Mars cette année là. Pour voir un peu ce qui nous réserve. Ça il reste quelques places, faut y aller. Hein. Payer la navette, merci quoi. Faut voir Echo de Radio quoi. Et puis moi j'ai adoré ce jeu. Ce que j'ai préféré c'est la durée de vie. Franchement, un Call of d'une heure et quart, c'était trop bien quoi. Ouais, c'est gâteau. C'est la première fois qu'ils nous font ça. Bref, est-ce que vous voulez qu'on essaye de retenter la machine un petit peu, qu'on revienne un peu, qu'on prenne un peu les pieds sur terre? Allons-y quand même parce que. Alors attends, parce que là il faut vraiment. Attends, moi je m'accroche perso. Ouais carrément. Franchement, ça va être un peu hardcore. Allons, on est qui part. Voilà. Oh. Attends. Accroche-toi. T'accroches pas. Attends. Ah. Ah. Oh bien. Voilà mon couvage. C'est cuit. Ah yes, c'est cuit. Alors on est de retour en 2015. Ah, ça fait du bien d'être de... Putain, j'ai des fourmis partout dans les membres. Et on est pas si mal en 2015 quand même. Il va falloir arrêter de se plaindre. Vous avez pas mal aux fesses, vous? Ah, oh non, bah toi t'as toujours mal aux fesses. Ouais. Ouais, mais là c'est pas habituel là. Non, mais je crois que ça équipe pendant le voyage là, il a... Bah les molécules qui se fusionnent tout ça, bon bah au bout d'un moment on reste collé, voilà, c'est... Bon, on n'est pas prêt de le refaire. Non, c'est clair. Ah, bon bah tu vois, je la revendrai sur eBay. Ouais ouais, c'est un peu dangereux ton truc. Vends-la à l'armée direct. Ouais, carrément. Au secours populaire, ça aidera peut-être, je sais pas. Allez, on est de retour en 2015, dans un instant. Tiens, Goustique, va falloir que tu me rejoignes, d'ailleurs, s'il te plaît. Dans un instant, notre invitée, Elsa Chartier, pour nous parler de sa bande dessinée sur les voyages temporels. On va commencer à être calé, j'ai l'impression. On dit temporaux. Les voyages temporaux? Non, c'est pas vrai. Putain, mais moi, tu me mets le doute à chaque fois, quoi. Je peux dire spatio-temporel pour te la péter, si tu veux. Et c'est fou, c'est vachement raccord l'invité aujourd'hui avec le thème de l'émission, en plus. T'as vu, comme si je bossais hors antenne. À croire qu'on est professionnel. T'as vu? Bon bref, allez les 20h, vous écoutez toujours La Voix du Geek sur Eau Radio. Et nous on revient juste après, comment ça s'appelle le scud, Zatricas avec Pushing Mode Button. Écoutez bien, il y a 62 samples différents dedans. Franchement, il y a la liste sur YouTube. Allez-y, comptez-les. Ah ouais, non mais franchement, il y en a plein qu'on connaît et tout, mais il y en a plein qui passent un peu à la trappe. Bref, allez, on revient juste après ça les poulets. Vous écoutez Eau Radio. Vous écoutez Eau Radio. Sur 91.3. 91.3. Swag adventure. Vous écoutez Eau de Radio. Vous écoutez Eau de Radio. Vous écoutez sur 91.3. 91.3. Avec Cultura, retrouvez la voix du geek. Cultura, l'esprit gamer. Allez, on est de retour, on est toujours en direct, il est 20h passé de quelques minutes. Tiens, je vais lire les tweets. Dans un instant, on va contacter Elsa Chartier. Tiens, bah, je vais envoyer tout de suite le... Alors attends, faut pas que je mette mon téléphone là. On va lancer l'appel Skype. Hop, magie de la technique. Alors attendez. Hop. Ça rappelle des souvenirs, ce son. Tiens, en attendant, je vais lire quelques tweets. Il y a Moumout qui fait « Eh merde, ils sont revenus » en 2015. Ah, mais sur Skype, ça fait vraiment une sonnerie de téléphone. Oui. Oui, tiens, vas-y Goustic, je t'en prie. Bonsoir Elsa. Bonsoir, vous m'entendez bien ? Oui, c'est parfait. On t'entend nickel, c'est super. Bonsoir, bonsoir. Alors, il y a... Toute l'équipe est là, donc moi je suis l'infernal animateur de l'émission. Nous avons Goustic, Kogu et Eiki qui est encore en train de fumer sa clope à la fenêtre. Espèce de saltimbanque. J'arrive. Saltimbanque, ouais. Eh ben écoute, nous sommes ravis de t'accueillir dans la voix du geek. Eh ben écoute, Goustic t'a préparé une petite série de questions et puis comme tu veux, tu préfères te présenter ou comme tu veux. Oh bah allez-y, balancez les questions. Allez, vas-y Goustic. Moi j'en ai une. Et attention, je peux te dire Elsa, il a bossé comme un dingue. Oui, est-ce que tu peux préparer le truc avec le rire? Ah, tu veux la boîte à rire? Ouais. Elsa? Oui. Est-ce que tu pourrais me faire un bonhomme de neige, s'il te plaît? Pourquoi un bonhomme de neige? Mais la reine des neiges, putain, les mecs. Ah ouais. Oh. Allez, le rire. C'était un bide, Eiki, mais c'est pas grave, on a l'habitude. Moi, j'ai trouvé ça marrant, et dans ma tête, j'ai gagné. Si, c'était marrant. Voilà, tu vois. Certaines manières, ouais. Merci, Elsa. Elle a dû s'en bouffer pendant 2 ans au moins, mais vas-y. Oui, j'imagine. Bah, pas tant que ça, finalement, en fait. Oh, mais pas de chance. Moi, j'aurais trop kiffé. T'aurais kiffé t'appeler Elsa, ah, Max. Ah ouais, putain, si j'avais la même tresse. Enfin, bref. Vas-y. Eh ben, écoute, Elsa, d'abord, ce que je te propose, c'est que... Est-ce que tu peux te présenter au nom des auditeurs de La Voix du Geek ? Ben, très bien. Donc, je m'appelle Elsa Chartier, je suis dessinatrice, je fais du comics. Donc, j'imagine que vos auditeurs connaissent, mais en gros, c'est de la bande dessinée américaine. Voilà, je travaille sur Infinite Loop, qui est publié chez IDW Publishing, et également chez Glénat Comics. GG. Ouais, j'avoue, déjà, bravo d'avoir réussi. Félicitations. À bravo. Percer joli là-dedans parcours. Parce que s'il y a bien un truc qui est difficile, c'est de réussir dans le comics, quoi. C'est clair. Et puis, aussi travailler aux États-Unis ainsi qu'en France, moi je trouve que c'est la grande classe. Ouais. Vraiment. Du coup, alors tu as dit que tu étais illustratrice de comics, mais avant, il me semble que tu étais dans le cinéma. Et du coup, voilà, On a retrouvé les vidéos. J'ai fait ma petite enquête. J'ai essayé de trouver des courts-métrages, des films, voire même des pubs ou des apparitions de clips avec Elsa Chartier. Et j'en ai pas trouvé. Est-ce que tu peux nous dire sur quel projet cinématographique t'as pu travailler avant de te lancer dans le comics? Bah, si tu n'as rien trouvé, c'est pas pour rien. Elle a effacé toutes les traces. J'ai jamais rien fait de vraiment concret, on va dire. Donc, il n'y a pas grand chose à dire à ce sujet-là. J'ai essentiellement eu des boulots alimentaires pendant 6-7 ans. D'accord. Ah, ouais, d'accord. Ah, ok. Voilà. Ouais, en même temps, c'est le genre de travail qui, voilà, avant d'en vivre, c'est assez difficile que ça soit pour, c'est comme pour la radio ou tous les métiers un peu artistiques. Ouais, ouais. C'est vrai qu'on, voilà. Moi, par exemple, je suis caissier à Auchan. Non, c'est pas vrai. Mais ça pourrait, tu vois. Ouais. C'est vrai. Ouais, bah non, ça n'a jamais fonctionné, mais c'est très bien comme ça, en fait. Ça a ouais, pas bah été ouais, difficile ça t'a permis de trouver ta voix, quoi. Exactement. Et du coup, comment t'es venu l'idée de. Enfin, ça a été quoi ton premier contact comics? Est-ce que t'as commencé quand t'étais petite en lisant, en dessinant, ou c'est venu récemment, non, en fait? Pas du tout. En fait, je lisais un petit peu de franco-belge, comme tous les gamins lisent du franco-belge. Mais après, j'ai arrêté pendant longtemps. Et en fait, c'est Pierrick Collinet qui a écrit Infinite Loop, qui a commencé à lire des comics, en fait. Parce que lui aussi, il travaillait dans le cinéma. Et lui aussi, il sentait que c'était plus vraiment ce qu'il voulait faire. Et en fait, il a commencé à lire des comics, à s'y intéresser. Et j'étais un peu réticente au début, parce que moi, j'avais l'image que beaucoup de gens ont du comics, à savoir uniquement les super-héros, un peu des trucs pour gamins ou pour adolescents attardés. Mm-hmm. Et du coup, ça ne m'intéressait pas vraiment. Un petit adolescent attardé. Non, finalement, il m'a fait lire Watchmen. Ah, bah ouais, ça, normal. C'est pas un truc. Bah, ça, c'est un peu cliché là, de dire ouais. Ça a été la révélation, mais en l'occurrence, oui. puisque j'ai vu en fait que c'était possible de, qu'il était possible de faire autre chose avec le comics. Et en fait, ça m'a mis le pied à l'étrier, mais sans avoir particulièrement l'idée de dessiner ou d'en vivre. Et juste, j'ai commencé à en lire et j'ai commencé à vraiment aimer ça. D'accord. Et on te comprend. Bah oui, c'est vrai que ouais, je crois que Watchmen, ça nous a tous donné un petit déclic dans notre vie, de manière générale. Ouais. Je pense que ça a été vraiment une grosse référence dans le comics dans les années 80, tout comme The Dark Knight Returns de Frank Miller, ainsi que d'autres graphic novels. Et du coup, tu sais, il a une liste avec des mots qu'il faut qu'il balance. Il a dit graphic novel, j'ai il a rayé sur sa feuille. Allez hop, ça je l'ai placé. Ça fait partie du lexique comics. Non, je sais, t'inquiète pas, linguistique. Et du coup, bien en novembre 2013, tu fais ta première collaboration avec Pierrick chez Wanga Comics pour Aeternum Valley. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler de ce projet-là ? Et il me semble, si je dis pas trop de bêtises, qu'il y a eu une rencontre avec Charlie Adler, qui est l'illustrateur de The Walking Dead. Oui, c'est ça. En fait, on l'a rencontré il y a 3 ans à peu près. Et en fait, c'est lui qui nous a vraiment mis le pied à l'étrier pour vraiment commencer à faire ça sérieusement. On lui a montré un petit projet qu'on avait fait ensemble, les quelques pages, qui étaient mes premières pages de dessin, que j'avais jamais vraiment dessiné avant. Et en fait, à partir de là, il nous a suivis, conseillés, il m'a donné énormément de conseils sur mes pages, comment améliorer à la fois le dessin et le storytelling, à savoir le découpage des cases. Et ce, jusqu'à encore il n'y a pas très très longtemps. Et du coup, il nous a pas mal aidé sur notre premier livre, qui s'appelle, comme tu l'as dit, Aeternum Valley, mais qui a un tout petit bouquin, hein. C'est un truc qu'on a fait chez un petit éditeur, qui a dû, à mon avis, être vendu à 50 exemplaires, maximum, je dirais. C'est toujours 50 exemplaires de plus, hein, quand même. C'est ça, mais de toute façon, on l'a pas fait pour le vendre. Vraiment, en fait, on l'a fait pour avoir un objectif concret, d'avoir un projet qu'il fallait finir. Et faire un premier livre, parce que mine de rien, il y avait quand même l'équivalent de 4 épisodes, donc 4 fois 24 pages, qu'on a fait dans un temps relativement raisonnable. On a dû mettre 7 mois, quelque chose comme ça. Et on a pris, en fait, on a appris les bases en faisant ce livre-là. Donc, même donc si j'ai du mal à regarder le bouquin aujourd'hui, je suis contente qu'on l'ait fait. D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'histoire de Aeternum Valley de ce comics? Aeternum Valley, c'est en gros c'est Frankenstein à l'époque industrielle, en fait. S'il avait les moyens de production industrielle, voilà ce que ça donnerait. D'accord. Bon, c'est plutôt un scénario original, je trouve. Donc, Oui, moi. Bah, je trouve que le scénario était bien. Moi, j'avais bien aimé les personnages, j'aimais beaucoup. Ça a été vraiment sympa à faire. Ok. Et du coup, en avril 2014, tu décides un épisode du Garde républicain, c'est bien ça ? C'est ça. Ok, nickel. Ouf. Et qui se fout la pression. Non, non, mais avec Internet et compagnie, on peut tomber sur des surprises. Ensuite, tu as participé sur One Hit Wonder avec Fabrice Sapolsky chez Image Comics. J'ai fait uniquement des pages de ce qu'on appelle de backup sur l'édition américaine, donc j'ai fait uniquement 4 pages, ça a été dessiné par quelqu'un d'autre. D'accord, ok. J'ai pas fait l'épisode entier, quoi. D'accord. Et dans la même année, tu lances le projet Ulule The Infinite Loop avec encore une nouvelle collaboration avec Pierrick Collinet. C'est ça. Je voulais savoir pourquoi tu as voulu, avec Pierrick, faire une campagne Ulule au lieu de démarcher auprès des éditeurs, je ne sais pas, Delcourt, Urban ou des éditeurs, indépendants. Est-ce que par peur de la thématique du comics ou En fait, on avait déjà présenté une première version de ce projet un an auparavant, qui avait été refusé par quelques éditeurs, mais c'était mérité parce qu'à l'époque, je pense qu'on n'était pas prêt, l'histoire était trop longue. Et moi, au niveau du dessin, j'étais pas prête non plus parce que je commençais à faire un changement vers quelque chose d'un peu plus cartoon et ça demande un petit peu de maturation. Et en fait, donc on a fait quelques projets au milieu. Et quand on est revenu sur ce livre, on n'avait pas envie d'avoir à nouveau un rejet en fait. On voulait absolument faire ce livre et surtout, comme tu disais, par rapport au sujet, le livre traite de la question LGBT. Mmh. On voulait pouvoir faire notre histoire de manière complètement libre, sans vraiment de entre guillemets contrôle éditorial, sachant que du coup on ferait des erreurs que peut-être un éditeur nous aurait soulignées, mais aussi ça nous permettait d'être complètement libre dans ce qu'on voulait dire. Pas de faites attention, c'est un peu sensible, vous pouvez pas montrer ça comme ça, etc. Et du coup ça a été un choix de le faire tout seul. Enfin, quand je dis tout seul, non, parce qu'en fait le financement participatif, on n'est pas tout seul quand on fait le livre, en fait on est deux à la création, mais après au niveau du soutien, du partage du projet, tout ça, tous les gens qui participent financièrement ou pas font qu'on n'est pas seul quand on travaille sur un projet Ulule. Et du coup vous avez bien fait, puisque au final ce projet a eu plus de 250% du projet initial, ce qui est énorme. Ah ouais. 251%. Même un peu plus que ça, parce que le dernier dimanche on a eu des gens qui ont participé par chèque et on pouvait pas les rentrer dans le compte Ulule, mais on a fait encore plus que ça. D'accord. Et puis ensuite eh bien ce comics est sorti en tirage limité. Ensuite il a été publié chez IDW, donc qui font du Tortue Ninja, du Doctor Who, du Godzilla, qui sont spécialisés dans les licences films, séries. Ah ouais, la classe quand même. Ah ouais. Et ça pourrait t'intéresser, Eki, hein, du comics Doctor Who. Ouais, j'ai regardé un peu, mais honnêtement, je préfère Doctor Who en série. Mais après, il y a d'autres types comme ça de comics tirés justement de séries qui valent bien le coup. Mais pour moi, Doctor Who, c'est pas trop le cas, honnêtement. D'accord. Moi, j'ai jamais lu, pour tout avouer. Ok. Et du coup, le 26 août 2015, eh bien, est sorti chez Glénat Comics le premier tome de The Infinite Loop. Ouais, on l'a là. Oui, on l'a dans les studios. De toute beauté. Oui, ouais. De toute beauté. Enfin, c'est vrai que Glénat, à chaque fois, ils font de très belles éditions. C'est vraiment bien travaillé. Et avec des bonus. Un joli livre. Ouais, et avec des bonus très intéressants. Et du coup, on va en parler de The Infinite Loop. Je vais un petit peu le présenter, hein, cette histoire. Alors j'ai présenté un petit peu l'origine du projet. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'histoire. Alors en fait, on est dans un futur lointain et il est possible de voyager dans le temps. Et en fait, dans ce monde-là, eh bien, les émotions humaines telles que l'amour, les sentiments, ça n'existe plus en fait. Et du coup, eh bien, on va vivre les aventures de Teddy, qui est un agent de correction anomalie temporelle qui travaille pour une brigade gouvernementale. Et en fait, elle mène une vie assez paisible, sans... C'est ça, t'as pas dit, Teddy n'est pas un homme. Teddy est une femme. Attends, je vais le dire. Oh, comment t'as tout spoilé. Voilà, t'as tout spoilé. Ah, pardon. Voilà. Vas-y, en même temps, c'est sur la couverture. Oui. Ouais, mais... c'est difficile de le manquer. C'est clair. Et du coup, elle mène une vie assez parfaite, avec pas d'imprévus. Et du coup, lors d'une mission, elle va rencontrer une anomalie de forme humaine, et là elle va être face à un dilemme. Soit elle la supprime, soit elle garde cette anomalie là mais je n'en dis pas plus. Ça fait un peu penser à Equilibrium. Oui, et tout le monde nous dit ça, alors faut vraiment vrai qu'on regarde ce truc, parce que oui, en l'occurrence j'ai l'impression qu'il y a des choses un petit peu communes sur le monde sans émotion, en fait. Mais c'est ça. Au final on s'éloigne pas mal de ça après, parce que c'est un postulat de départ placer l'univers et un petit peu comprendre comment les choses fonctionnent, mais après l'histoire se base pas trop là-dessus. Non, c'est sûr. Mais c'est, alors je conseille, enfin je dis aux auditeurs, aux auditrices, alors c'est pas un comics à mettre entre les mains de tout le monde, puisque oui. Si vous voulez, oui, non mais enfin un certain public, je vais dire, allez, du pré-ado, de l'ado, c'est possible de lire ce comics là parce qu'en fait, si vous voulez, ça défend la cause LGBT, c'est bien ça. Et il y a donc ça. LGBT pour les auditeurs, Ghostic. Eh bien, lesbienne, gay, bisexuel, transsexuel. Ok, ça marche. Voilà. Et du coup, non, juste une ou deux planches assez explicites, mais bon, après, l'histoire en elle-même est très originale et elle est très belle. Et c'est une histoire d'amour. C'est, mais non, enfin, ouais. Oui, c'est une histoire d'amour en soi, mais c'est pas non plus, ça ne traite pas non plus la cause LGBT en soi. C'est aussi un message sur la liberté. Moi j'ai trouvé que c'était plus sur la liberté, c'est-à-dire la liberté d'être nous-mêmes, la liberté de faire ce qu'on peut, enfin de faire ce qu'on peut faire, ce qu'on veut quoi, ce qu'on veut faire, pardon. Libérer, délivrer. Et non, c'est un très beau message. Et j'attends le tome 2 qui arrive normalement le début novembre, il me semble, Elsa. C'est ça. Le 4 novembre et qui sera en avant-première à la Comic-Con de Paris. Tout à fait. Voilà. Et on aura des cadeaux pour les gens qui viennent l'acheter sur place. Oh cool. Bah écoute, je pense que je vais venir à ton stand. C'est ce que j'allais dire. J'espère pour ceux que tu auras déjà acheté. On aura des. Je vais poster ça sur sur les pages Facebook, la mienne, et je pense que Pierre va le faire aussi. Les dates, les horaires, pardon, de dédicaces. On va être sur le stand Glena pendant il me semble une heure par jour, et aussi sur le stand Comixology parce qu'on est invité par Comixology en fait. D'accord. Eh ben, je pense que tu vas voir à un moment un petit homme arriver avec peu de cheveux. Avec peu de cheveux, les cheveux en bataille. Il va te dire bonjour Elsa, c'est moi Goustique de la boîte du geek. Il sera tout. Je suis sûr que tu seras hyper euphorique. Ouais voilà. Hyper euphorique. Avec aussi Frank Miller. Enfin si j'essaie de le voir. Ah oui, tu veux te faire un gros Comic-Con, Goustique. Ah oui oui oui. Bah attends, ah oui, attends. Vu les guests qu'il y a. Je crois que t'as des bonnes ambitions pour ce Comic-Con. Oui oui. Bah pour la voix du geek. Hein. Oh, c'est yes. Bon, on vous en parlera la semaine prochaine. C'est oui, pas la question du sûr. Moment. Je voulais revenir sur The Infinite Loop et je voulais savoir. Bon, c'est vrai que dans les bonus, on voit que la cause LGBT vous tient à cœur. Et je voulais savoir, est-ce que au départ, c'était une évidence de l'aborder sur la science-fiction? Est-ce que vous avez pensé sur d'autres périodes de l'histoire ou sur d'autres thèmes, par exemple, où la science-fiction, vous êtes venu direct cette idée-là? Je vais répondre à la place de Pierrick parce que pour le coup, c'est plutôt lui qui était qui se chargeait de cette partie-là, on va dire. Comment dire? Je pense que tout de suite, donc déjà à la base, l'histoire, il a eu en tête tout de suite les deux personnages. Je pense qu'il a imaginé d'abord les personnages, le fait qu'elles soient ensemble et qu'elles doivent se battre pour être ensemble. Et je pense que le côté temporel et SF voyage temporel est arrivé assez rapidement pour comme un moyen un peu comment dire plus ludique et moins militant de parler de la cause LGBT, parce que souvent je veux pas non plus faire de généralité, mais ça reste des BD assez intimistes qui parlent d'une histoire d'amour souvent dramatique, etc. Et nous, on voulait quand même garder un côté un peu léger et ne pas se couper d'un certain public en fait qui se semble à la base pas forcément concerné par cette cause-là, mais qui par un biais un peu plus fun, on va dire SF, puisse avoir envie de s'y intéresser quoi. Ok. Et puis au niveau du scénario, ce qui est assez intéressant dans le comics, moi je l'ai découvert lors de la Free Comic Book Day, donc c'était au printemps dernier. Alors c'est un événement assez connu aux États-Unis, c'est arrivé récemment en France, donc on a fêté la deuxième année. Et du coup, il y avait en présentation chez Glena Comics, il y avait le premier chapitre d'Infinite Loop avec quelques pages bonus de Daymen, un prochain titre de chez Glena Comics qui arrivera prochainement. Et du coup, ce qui était assez intéressant, c'est que la page où il y a la fameuse, alors je ne spoile rien, hein, c'était en preview, hein, il y a un fameux passage où Teddy rencontre une anomalie, mais de type dinosaure, on va dire, elle fait face à un T-Rex qui ressemble vachement à celui de Spielberg dans Jurassic Park. Ouais. Et au niveau du scénario, il y a un passage, ça fait penser un petit peu à une phase de QTE du jeu vidéo, c'est-à-dire que voilà, Teddy se retrouve face à ce T-Rex et il y a une espèce d'enchaînement, genre voilà, est-ce que tu vas fuir, est-ce que tu restes immobile, oui, non, t'as déjà vu Jurassic Park, oui, non, et puis du coup, dans c'est génial ce passage. Ouais. Voilà. Elsa, je te demande la permission, est-ce qu'on peut raconter un petit peu cette planche? Alors, ah oui, bien sûr, allez-y. Donc en fait, on voit le T-Rex qui arrive face au héros et ensuite il y a écrit en dessous, survivras-tu au T-Rex? Est-ce ta première fois? Mais en fait, on a tout un système de lignes et en fait, on a le choix entre trois choix. Donc ça fait est-ce ta première fois? Oui, non, je connais Jurassic Park comme ma poche. Et suivant les choix qu'on fait, eh ben on arrive à bon, je le dis pas, mais voilà. C'est un peu comme ces livres dont tu es le héros. Exactement. En fait. C'est ça. Tu décides de combattre le dragon. Bah, c'est un flowchart en fait. C'est un truc qui est pas mal utilisé dans le divertissement, mais pas que. Et c'est une idée de Pierrick pour le coup. Qui est beaucoup inspiré par les jeux vidéo, mmh. entre autres. Et on trouvait que c'était une bonne introduction pour donner le ton, en fait, sur le type de bouquin que ça allait être. Essayer de le rendre le lecteur actif. Et puis ça donne un côté un peu plus ludique en plus C'est interactif quoi. Ouais, c'est ça. Ça permet un peu plus de s'identifier encore. Il faut faire attention, ça te permet à un moment donné même de même terminer l'histoire parce que si jamais tu décides tu abandonnes le tout et puis hop, ça s'arrête là. Ouais. Mais ça se fait de plus en plus dans la bande dessinée. On a vu aussi, on avait reçu Davy Mourier dans l'émission et sa bande dessinée La Petite Mort est remplie de QR codes qu'il faut scanner et au final on tombe sur un dessin animé. Donc c'est C'est ouais, c'est vachement bien. Et ben du coup, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de la plupart des auteurs BD sont inspirés par le jeu vidéo, par les films, par tout un tas de médias et ils retranscrivent ça dans une nouvelle manière de faire de la BD. Il m'a semblé voir également sur certaines planches la possibilité, avec par exemple un smartphone, de faire apparaître la planche d'origine avant même qu'elle soit colorisée. Oui, alors normalement c'est le cas. Il faut encore qu'on mette ça en place un petit peu mieux, parce que normalement c'était quelque chose qu'on voulait faire pendant la campagne Ulule, la réalité augmentée. Et avec tout ce qui s'est passé après par la suite en bon, on a pris un petit peu de retard à ce niveau-là, mais ça viendra. On a prévu de mettre du contenu additionnel en fait avec des work in progress, etc. Moi, où il suffira de scanner en fait. Du DLC sur du comics, super. Et tout ça, non, vraiment super idée. Moi, j'approuve. Ouais. Bravo. Merci. C'est une idée très originale et puis je trouve que ça révolutionne un petit peu le monde de la lire, BD, déjà. De la BD et du comics et du coup sur ton style de dessin, moi je trouve que, alors je pense qu'on te l'a souvent dit, mais moi ça me rappelle un petit peu les animés des années 90, surtout celui de Batman de Bruce Timm. Oui. Après elle a son propre style aussi, hein. C'est juste il y a des airs du style un peu pin-up rétro qu'avait Bruce Timm quand il dessinait Poison Ivy ou Harley Quinn. Ah ouais, des femmes avec des vraies hanches, des vraies formes. Des vraies formes, des vraies femmes. Et du coup, je voulais savoir, moi quand j'ai lu ce comics-là, ça m'a fait penser vraiment à un film d'animation, une série d'animation. Et je voulais savoir, est-ce que, tu me disais qu'avant tu étais actrice et tu es passée au comics, est-ce que plus tard, par la suite, tu aimerais te diriger vers l'animation? Alors, en fait, oui. C'est quelque chose que j'aime beaucoup l'animation depuis longtemps. En fait, mais je pense pas être faite pour ça. Bon, déjà, ça demande une formation particulière, parce que c'est pas parce qu'on est un bon dessinateur qu'on est un bon animateur, parce que c'est vraiment des compétences complètement différentes. D'ailleurs, j'admire les gens qui font de l'animation, parce que c'est extrêmement compliqué, je trouve. Merci. Ah, tu fais de l'animation ? Ouais, je fais des études là-dedans en ce moment. Ah, voilà. Bon, bah, tu sais de quoi je parle. C'est effectivement extrêmement difficile, je trouve. C'est très long. Oui. Et il y a beaucoup de spécialités, etc. Mais en l'occurrence, sans avoir une formation pour aller faire vraiment de l'animation, ça m'intéresserait de travailler sur du design de personnages ou ce genre de choses, sur la partie, cahier graphique ou autre, sur de l'animation. D'accord. C'est quelque chose qui me plairait, ouais. Donc, par exemple, si demain on te propose du taf dans une boîte de jeux et qu'on te demande de faire les chara-design et les recherches d'univers, tu serais plutôt partante en fait. Ah oui, vraiment. Mais ça, pareil, encore une fois, le caractère designer, c'est un talent particulier. J'essaye de le développer, d'essayer de développer mon imagination de ce côté-là. Mais encore une fois, pareil, c'est un métier, hein, c'est vraiment clair. Particulier, hein, transmettre le caractère d'un personnage, tout particulièrement dans l'animation, uniquement avec ses formes et ses vêtements, ses accessoires, c'est vraiment pas facile. Hein. Ouais, c'est clair que c'est tout un art. Hein. C'est un métier, messieurs. Et oui. Tout à fait. Et récemment, vous étiez à la New York Comic Con, donc du coup, un gros event pour vous. Bah, je voulais savoir un petit peu vos ressentis, qu'est-ce que vous en avez pensé, d'être dans un event où il y a des grands noms du comics comme Frank Miller et Brian Azzarello. C'est la deuxième année qu'on y va. Ouais. Que l'année dernière, on y est allé justement pour essayer de trouver un éditeur américain pour Infinite Loop. Donc, ce qui a plutôt bien fonctionné. Et on y revenait cette année dans une optique un petit peu différente, À savoir, cette année, on avait vraiment une table. L'année dernière, on partageait une table, mais j'étais essentiellement à droite à gauche en train de rencontrer des éditeurs et discuter à propos du livre. Mmh. Mais là, cette année, on a pu entrer en contact avec les gens qui avaient acheté le livre pendant les derniers mois. Donc, c'était une expérience un peu particulière. Parce que le marché américain reste assez tellement lointain et un peu surréaliste, en fait, pour nous. Quand on rencontre les lecteurs français, ça fait pas la même sensation. Donc, du coup, c'était vraiment sympa de pouvoir les rencontrer en vrai. Et après ça, c'est un événement incroyable, quoi. Il faut y aller même en cette occasion, un jour d'y aller, c'est vraiment incroyable. Ouais, j'imagine. Et c'est incomparable, on connaît rien de similaire, quoi, chez nous. Oui, c'est vrai. Bah après, ouais, le truc, c'est que bon, tout de suite, dès que c'est à l'américaine, tu sens. Même le salon de la BD Angoulême. Oh là là. Oh là, mon bah, cher. C'est grand, à des années-lumière. Aussi, en termes d'affluence, je sais pas exactement. Angoulême, c'est très grand, mais c'est pas du tout la même ambiance. Hein. C'est complètement différent. Bah, je vois pas des gens en cosplay au festival d'Angoulême. Si, y en a, c'est arrivé. Si, je sais pas du tout. Parce que jamais. Enfin, j'ai fait Angoulême il y a 2 ans, mais j'ai pas trop participé au festival en lui-même, mais je crois pas qu'il y ait trop de cosplay. Hein. Donc okay. Voilà, tout de suite à l'américaine, ça prend des dimensions. Ah, mais c'est la Comic Con, hein. C'est une enseigne historique. Hein, ouais, c'est vrai. Ah, ben oui. Ouais. Et du coup, tiens, pour terminer, Elsa, je suis désolé, on est un peu pressé par le temps, du coup, parce qu'il y a d'autres émissions après. Ton actualité, là, si on veut te voir dans ces prochains jours. Eh bien, dans les prochains jours, je serai avec Pierrick à la Comic Con de Paris, donc. Et après, on fait tout un tas de dédicaces un peu partout en France, qu'on publie assez régulièrement sur nos pages. Et on va être au Hero Festival aussi à Marseille, qui est le 7 et 8 novembre, il me semble. Mm-hmm. Et en gros, pour les gros festivals, c'est tout pour l'instant. Après, il y a des choses au printemps, mais rien n'est encore bien décidé. Mais essentiellement, Paris le week-end prochain et Marseille les 7 et 8 novembre. Bon, en tout cas, si un jour vous avez envie de passer par Bordeaux, on vous attend. Ah oui, mais on va venir, mais je sais pas exactement quand, mais c'est prévu. D'accord, ben c'est parfait. Okay. Voilà. Et bon, on garde vos coordonnées. On vous rappellera, merci. Bon, c'est parfait en tout cas. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Merci beaucoup. Ah, ben, merci de rien. Elsa, vraiment. Elsa Chartier, donc la bande dessinée The Infinite Loop. Je suis assez impatient de me plonger dedans, hein, parce que j'ai pas eu trop de temps. On mettra les liens de son Twitter et de son Facebook également sur notre page. Ah oui, bien sûr. Oui. Ouais. Bien sûr. Bon, bah merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne fin de soirée. Au revoir. Merci. Au revoir. Hop, yes. Bon bah écoute, ma foi très bien, très sympathique. Ah mais oui. Ouais. Et beaucoup de talent. Je vous invite hein, vraiment à lire. Pour un petit bout de femme, jeune comme elle est, avoir fait déjà tout ce parcours, bravo. Ouais, ça, elle a quel âge? 27, c'est ça que vous dites? Oui, dans les. Bon, enfin, ça se dit pas. Là, mais je c'est me dis pas l'âge. Mais en tout cas, c'est un parcours assez atypique, que ce soit pour Pierrick ou Elsa, et je vous conseille fortement d'acheter Infinite Loop, et ça peut démontrer que le comic, ça se résume pas à un homme qui se déguise en chauve-souris. Oui, c'est vrai. Et qui sauver le monde entier. Et puis un petit cocorico quand même, des petits français. Et c'est du Made in France, les amis. Et le tome 2 arrive le 4 novembre. D'accord. Bah écoute, tu nous en reparleras. Juste avant de finir, tiens, je remercie l'amicale du geek qui nous a suivis sur Twitter, qui nous fait, nous ce soir, on écoute La Voix du Geek et surtout Elsa Chartier qui est en interview dans cette émission bien sympathique. Ah, alors, l'amicale du geek, on va essayer de les avoir dans l'émission aussi. Alors, hein, on a fait une émission un petit peu troll ce soir. Ouais. D'habitude, c'est pas comme ça. Pas du tout, non. Là, c'était une émission un peu spéciale. Voilà, on voulait marquer le coup sur le voyage dans le d'habitude, temps. D'habitude, c'est pire. D'habitude, c'est pire. Non, mais voilà. Et puis, tiens, il y a Dandy qui nous fait ce soir encore. Hey Kim a bien fait rire. Tu mérites ta boîte à rire. S'il te plaît, l'infernal. Il nous dit. Et je l'ai rangé. Oh là là. La semaine prochaine, directement j'arrive. Ah bah écoute, toute l'émission si tu veux. D'ailleurs, tiens, pendant que t'en parles, la semaine prochaine, on vous fait une émission spéciale Comic-Con. Ouais. Car Goustic y va. En reporter. J'y vais en reporter. D'ailleurs, faut que tu me passes du matos, toi, parce que t'as du matos à Brice. Ouais, si tu veux. Tu dois avoir l'enregistreur, je crois. Ah, l'enregistreur. Oui, ouais, je l'ai. Et du coup, ben, j'y serai que la journée du 24 octobre. Ok, feignant. Ouais, pas feignant, mais voilà, je préfère rester. Si j'ai pas eu la photo de toi avec ta feuille de vigne, je peux compter sur l'autographe de Elsa? Oui. Merci. Okay. C'est peut-être plus accessible qu'une photo nue de Goustic. C'est pas dit. Non, t'inquiète pas, je retiens. Si tu pouvais prendre une photo à côté d'Elsa où t'es nu avec une feuille de vigne, c'est la photo. Écoute, je pense que juste à côté, il y aura l'agent de sécurité. Ouais, mais c'est un cosplay. Un cosplay d'Adam. Bon bref, donc la semaine prochaine on fait ça, on fait aussi le test de Transformers Dévastation, on vous dira tout ce qu'on en a pensé. Et puis tiens, événement La Voix du Geek, jeudi à partir de 14h sur la chaîne Twitch de La Voix du Geek, on vous stream en avant-première Assassin's Creed Syndicate, mesdames, messieurs. Sortie prévue pour vendredi, mais nous on a le droit de le streamer jeudi, je vous explique pas ce que j'ai été obligé de faire pour avoir cette exclu. Nous explique pas, nous on le voit d'ici. Tu sais ce que ça fait maintenant, mon coup. Bon bref. En tout cas, on remercie Ubi de nous avoir donné la permission. Merci, ça fait plaisir. Merci, donc Ubi. À partir de 14h sur la chaîne Twitch de La Voix du Geek. Merci à tous ceux qui nous rejoignent de plus en plus nombreux, que ça soit sur Twitch, Twitter, là, sur le Facebook. Ça fait vraiment plaisir. Bisous à tous ceux qui nous ont écoutés ce soir. Moumout, Alex, j'en oublie plein. Iskert, Kalec, qui ont tweeté toute la soirée. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles aventures. Bisous Kékette. Oh oui, bisous Kékette les amis. Oh oui. Allez, bon, et là cette fois-ci, je vais pas dire restez bien sur O2 parce qu'après il y a du bon son, parce qu'à chaque fois que je dis ça, on se tape une casserole juste après, ouais, quoi. C'est clair. Ouais, c'est vrai. Bon, restez bien sur O2, il y a de l'accordéon qui vient. C'est ça. Et puis là, alors là, non, ce qu'on écoute c'est Lily Cross et Thierry Chazelle, Les Bras de Rivière. Oh là là. Oh. Alors déjà ça, à mon avis, avec un son comme ça, t'emballes. Ça sent le tube du l'hiver. Allez, bisous, à la semaine prochaine. Bisous à tous. Zoubi. Retrouvez Eau de Radio en ligne sur eauderadio.net. Eau de Radio, la radio des Hautes-Garonnes.